Bonsoir à tous et à toutes. Oui, non, on était prêts, on attendait dans le starting block impatiemment 21h. Tellement au taquet, tellement. Pour pouvoir ce soir vous parler donc de musique dans les jeux vidéo. Un très vaste sujet s'il en est, dont nous ne ferons probablement pas le tour, mais quand même on va essayer d'échanger dans la joie et la bonne humeur là-dessus. Oh oui, oh oui. Avant tout, avec l'équipe au grand complet, nous souhaitions dédier ce podcast à Liliane. Où que tu sois, bon vent. Et là, si on avait une superbe technique, on aurait lancé une musique d'Yvette Horner pour. Non, mais c'était le premier instant malaise de l'émission. Voilà. Et donc, bon, il n'y a pas eu grande news cette semaine. On sent que la nouveauté a un petit peu pris le pas sur le rétro. On approche de Noël. Mais, malgré tout, outre la énième ressortie d'FF9, il y a quand même deux, trois petites choses dont on va vous parler. Non, à 16,89 si t'as le PS Plus. Ouais, donc. Ouais, autrement dit, autrement dit, 20 balles sans la réduction. Donc, voilà. Donc, Il faut grosso le modo, dire. pour ce tarif-là, vous avez une interface qui est quand même revue. Vous avez la traduction qui n'était pas mauvaise à l'époque. Le Moi, jeu enfer en 60 Hz, pour ceux qui, comme moi, n'ont jamais connu que le jeu en 50, ce qui est une espèce de waouh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la traduction française qu'ils ont mis? Oui. Le jeu est bien en français. D'accord. Les quelques aménagements comme supprimer les combats, accélérer le jeu, mettre l'argent infini qu'il y avait déjà dans FF7. Par contre, évidemment, donc ils ont perdu les artworks originaux concernant les décors. Donc sur le coup, on se retrouve toujours avec des décors PS1 un peu dégueulasses. Mais les modèles 3D ont été entièrement refaits. Et ouais, et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a un bug de musique comme sur FF10 qui n'a toujours pas été corrigé. Non, mais je parle de FF9 là. FF9, ils sont au courant, ils l'ont toujours pas corrigé, il y est toujours. Voilà. Donc, si vous voulez acheter FF9, sachez quand même qu'il y a un bug au niveau de la musique. Exactement. Exactement, c'est exactement la même chose. Et il faut dire aussi qu'ils vous mettent un joli petit thème. Il y a juste ça, moi, qui m'intéresse. Le thème de la PS4. Le thème est donc à la outre le fait qu'il a la musique du jeu, de l'ouverture, il a aussi de superbes artworks. En effet, le thème est vraiment très, Oui. très, très joli. Je suis d'accord. C'est la même, ouais. Bah après, c'est Square Enix. Voilà, on sait comment il fonctionne maintenant. Aucune. Quand tu parlais des interfaces Beyond qui ont été changées, c'est simplement d'un point de vue cosmétique ou côté pratique? Parce que c'était plutôt Le nickel côté à l'époque. pratique, en fait. Bah, c'était bien. Oui, non, c'est. Ouais. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Donc, mais les menus sont refaits, c'est-à-dire les box des menus sont plus grosses. On voit que non, il n'y a pas de souci. J'ai l'impression qu'ils ont changé aussi la police des dialogues, le fond des dialogues, tout ça. C'est pas. Voilà, moi, ce qui me frappe le plus, vraiment, c'est ce que j'ai dit au début, c'est que j'ai fini le jeu entièrement en 50 Hz. Et là, passer aux 60 Hz, c'est magique. Ouais, oui, pour moi, ça fera aucune Ah différence. J'ai oui? toujours joué au jeu qu'en C'est version comme. ES. Ça Donc, m'avait fait le même ouais, effet pour Final Fantasy VII. Passer du 50 au 60 Hz, ça se dit, ah, mais ça y est, ben, FF10 m'avait fait aussi le même effet. Ah, d'accord, ouais, je sens senti là-dessus, tu vois. D'accord. Oui, tu pouvais choisir le 60 Hz sur les jeux, oui. Bien sûr. Oui, je suis. Ça fait mal. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu vois, tu trouves que le travail a été propre, en tout cas, toi, bien. Ça va. Honnêtement, oui, 15 € ça aurait peut-être été un peu plus sympa. Là, 20 € de base, ouais. Bah, on part du principe que le jeu, ils l'ont déjà rentabilisé au maximum. Donc un prix aussi élevé, c'est peu justifiable. Ouais. Ça enlève rien à la Après, qualité du jeu. Ça veut rien dire, mais je trouve qu'il y a pire ailleurs. C'est, t'as des jeux Super NES qui coûtent ce prix-là aussi. Oui, mais... Oui, mais totalement. Après, Square Enix, on les connaît suffisamment pour savoir que c'est leur politique aussi. Hein. De faire ouais, non, mais je veux dire, c'est... pour un jeu ancien c'est... qu'ils ont rentabilisé 150 euros. Ouais. Mais bon, je veux dire, il est quand même bon, plus... Le prix est plus juste. Mais ça se prend, c'est ça que je veux dire. Oui, bah de toute façon, il y a toujours, toujours plus cher ailleurs. La transition est toute trouvée par rapport donc au jeu, comme tu dis, Super NES vendu ce tarif-là. Juste entre parenthèses, parce qu'on a vu passer cette semaine sur Twitter donc le début de la fabrication des PCB de donc l'édition physique de Street Fighter 2, limitée à pas beaucoup trop d'exemplaires. Et qui a déclenché, semblerait-il, beaucoup la colère des gens qui trouvent que c'est digne de boulot de contrefaçon chinoise qu'on nous vend à 100 euros. On parle de Capcom, hein. On peut parler de Capcom et de Marvel versus Capcom Infinite voilà. Attention, après, le jeu, j'y ai pas joué. Attention. Mais... Non, je ne te parle pas du jeu, je te parle de collector en fait, de la qualité. Ouais, oui, mais à la qualité du collector, putain, visible. Voilà. Oh, la vache! Capcom, pareil, ils sont coutumiers du fait, ça commence à faire beaucoup hein, en termes de qualité pure. Alors, ça coince. Que je regarde. Mais disons qu'il y a quelques temps, c'était Konami qui faisait un peu n'importe quoi, on avait l'impression avec son image de marque. Totalement. Et là, on a l'impression que c'est Capcom en ce moment. Ah, mais ils sont perdus. Ils sont perdus. Hein. Ça fait quelques années qu'ils sont vraiment perdus. On ne sait pas où ils vont. C'est immonde. C'est du vol. Oui, c'est de l'escroquerie organisée. Et tu te retrouves avec des boules de geisha. c'est presque ça. Pardon pour l'image. Hein, mais... Alors. Et surtout au prix où c'est vendu. Okay. Tu vois, le alors, tarif, attention, quoi. J'ai une question parce que pour le coup, j'ai un doute. C'est bien le Street Fighter 2 Vanilla et non pas le Turbo qui font la réédition. Oui, c'est le Vanilla, ouais. Donc pour info, parce que j'ai regardé, ça prend une des PCB Super Nintendo les plus communes. Il n'y a rien qui justifie qu'ils fassent des reproductions chinoiseaux dégueulasses comme ça. Alors que je pense que ça peut leur revenir moins cher, je sais pas, genre d'acheter un lot des proms à vraiment très bas de gamme et de faire ça dans les règles de l'art. Genre, regardez, ça utilise vraiment le PCB. Je peux vous raconter une blague. Mon micro, il était mute sur le podcast depuis le début. Voilà, c'est tout. Non. Sérieux ? Non, c'est pour ça que Fury. Ouais. Il nous entend pas. Voilà. Donc tout ce qu'on a dit là, personne n'a rien entendu. Ah si. Oui. C'est moi qui ne l'entendais pas. Voilà. Okay. Je disais que j'étais scandalisé par le collector de Marvel versus Capcom, que c'était une honte de vendre un truc comme ça, aussi dégueulasse. Voilà. Que les pierres d'infinité ressemblent à des prothèses de testicules et que les persos ont été peints à l'acétone. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'espère que la personne qui un jour aura des prothèses de testicules comme ça pensera à Capcom. Hein. De toute façon, je veux dire, la qualité du collector, ça touche quand même un minimum de gens. Ouais. Le plus dur pour Capcom, là, ça va être de faire en sorte d'intéresser les gens à son Marvel vs Capcom Infinite. Ce qui n'est pas gagné. Avec BB Fighter Z, La seule bêta de Dragon Ball en face fait juste parler mille fois plus que celui pour Marvel vs Capcom. Le problème, c'est que quand les gens parlent de Marvel vs Capcom, c'est pour dire que Dante était mieux fait dans Shin Megami Tensei 3. J'ai vu le tweet passer, c'est compliqué. Vrai. Et en plus, c'est vrai, tu peux pas dire que c'est la mauvaise foi. Mais pour le coup, tu regardes juste, tu prends une photo du visuel du Dragon Ball Fighter Z et tu regardes le Marvel versus Capcom Infinite, tu te dis, quel est le jeu à gros budget? C'est ça. Non mais c'est vrai, quelle est la compagnie qui d'habitude fait des triple A? Voilà. Par contre, ah merde, du coup, pour le coup, c'est pas Capcom, quoi. Et ça fait mal, hein. Ça fait mal. Et le gros problème, c'est que par exemple, en termes de gameplay, j'ai entendu aucun retour sur Marvel vs Capcom. Si ça se trouve, le jeu, il est excellent. Mais je le sais pas. D'après ce que j'ai entendu, tu t'amuses. C'est pas mauvais. D'accord. C'est ça. Tu t'amuses. C'est quand même pas mal. Le truc principal, ouais. Le gameplay a l'air d'être relativement correct. C'est quand même pas mal. Mais c'est la finition qui fait. Malgré la DA que les gens aiment pas, malgré le roster assez resserré par rapport à la précédente. Bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas de Wolverine aussi. Hein. Bah, il y a plein de personnes qui ne sont pas. T'as même aucun X-Men, Bosnick. T'as aucun X-Men. Parce qu'ils n'ont pas les droits. Bah, le problème, c'est que maintenant. Des crossovers Marvel et Capcom. Parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir les droits. Ouais, mais maintenant, le problème, c'est que X-Men. Marvel, ils ne veulent pas. X-Men, ça coûte la peau du cul maintenant pour avoir les droits. Non, mais même, il y a aussi un truc de contrat qui fait qu'ils n'ont pas le droit. Ah, d'accord, littéralement. Okay. Là, c'est une question de droit. Ah, oui. Il n'y a pas question d'argent, c'est le droit. C'est non. Okay. Ils veulent récupérer, Marvel veut récupérer la mainmise sur ce qu'ils font avec les X-Men, puisque c'est une franchise qui marche. Donc, ils préfèrent différencier. Okay. Et garder leur truc. Et ça a fait du mal à Marvel versus Capcom Infinite, parce qu'il y a plein de gens qui ne vont pas particulièrement y jouer, parce qu'il manque Wolverine, parce qu'il manque Cyclops. Donc, les X-Men, quoi. Pour recentrer le débat, cette collector entre guillemets, la Street Fighter 2, finalement, elle vaut pas le coup non plus, quoi. Si c'est pour avoir du PCB chinois, de toute façon, ils ont dit, hein, ça peut faire cramer ta console. Donc, Ouais, et puis, ils conseillent même de pas la faire marcher, de pas la serrer dans la console. Ouais. Non, les gens disent, de manière générale, on comprend que il y a une société derrière qui doit gagner de l'argent, tout ça. Mais en avoir pour 10 euros de revient et vendre le truc 100 euros, c'est ça qui passe pas. Bah bien sûr, oui. Mais, mais ça, ce que je comprends pas, parce qu'en même temps, c'est les méthodes Easy Cash et ça dérange personne apparemment normalement. Mais... Bah non, si, ça dérange. Les gens sont habitués à ce que. Plein de gens qui râlent. Ça se passe comme ça, Easy Cash. Easy Cash, c'est leur fonds de commerce d'acheter pour revendre. Ouais, bon, en gros, là, je viens de calculer le coût de revient. Hors la cartouche, hors l'étiquette, hein, juste le PCB et voilà, les composants, en passant par des choses traditionnelles, il y en a pour moins de 4 euros. Et encore, je compte le prix si tu achètes au détail. Mmh. Donc voilà, il n'y a vraiment rien qui justifie de passer par des repros chinoises dégueulasses. Bah si, c'est juste la nostalgie. C'est comme ça qu'ils vont te le vendre. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Comme le disent si bien DX Steve dans le chat, autant prendre Street Fighter 2 New Challenger en Super Famicom. Oui. Ouais, non mais carrément. Ah oui, mais si tu veux de la nostalgie, non, ouais, tu prends. Puis ça te revient moins cher, je pense. Ah, ouais. Totalement. Et du coup, t'as le box art original, t'as même le manuel, à mon avis, Super Famicom. À 30 boules, le jeu, tu l'as. Hein. Ouais, relativement bon état, complet. Ah. Bah voilà. Donc, allez, problème solve, passons à la suite. À la limite, même plus con. Tu te dis, j'ai 100 euros voilà, pour acheter un truc Street Fighter pour foutre dans ma collecte. Tu prends ça et tu prends l'artbook 25e anniversaire Street Fighter qui était très bien. Mmh. Voilà, je suis même persuadé qu'il reste encore 20 euros. Oui, et il sera plus rapide aussi. Oui. Voilà. Et du coup, voilà, tu peux profiter de toutes les illustrations de Street Fighter 1 à Street Fighter 4 Vanilla, et puis voilà. Et puis t'es tranquille. Bon, on avait d'autres petites choses à parler. A popé cette semaine une suite fan game du jeu Zombies Hat My Neighbors. Ah. C'était sorti à l'époque sur Super Nintendo et Mega Drive. Ah oui. Alors, moi, la première chose qu'on a dit, c'est mais ce jeu. Il a déjà une suite. Oui, c'est vrai en plus. Qui s'appelle Ghoul Patrol sur Super Nintendo. Ouais. Totalement. Ouais. Était beaucoup moins bien que le premier. Exactement. Ouais. Mais bon, donc les gens, ils ont pris pour principe donc de reprendre la charte graphique, les layouts et le gameplay du premier pour créer des niveaux. Mais il y avait énormément de niveaux déjà dans le premier. Ah, 15 levels of terror. Il n'était pas gratuit. Hein. Il n'était pas gratuit, le jeu, en plus. Et dans le remix, enfin, dans l'espèce de suite slash fan game, je crois qu'il y a 52 niveaux. Donc, et voilà, est-ce que les créateurs originaux sont au courant? Est-ce qu'ils ont le droit, l'accord? Aucune idée. En même temps, je ne pense pas qu'il y ait un accord quelconque. Parce que quand le jeu boot, vidéo. Quand le jeu boot, tu vois de toute façon le logo Konami. Donc, ah ouais, ça c'est un gros carte mode, voilà. Ou je sais pas bon, quoi. Ils vont se faire un peu marcher dessus parce que Konami, surtout en ce moment, oui, mais non, je pas pense très pas. Gentil. Tu sais, t'es en 2017, t'as beau striker des trucs, voilà. Oui, on sait toujours qu'on peut les retrouver, mais je pense pas que Konami soit très content de voir leur nom quand. affichage genre. Non, mais BossDick, c'est pas un nouveau jeu, genre tu vas télécharger comme ça. Donc il faut que tu prennes le patch au format IPS. Il faut que tu télécharges un utilitaire. Donc déjà, il faut savoir ce qu'il faut faire. Il faut la bonne version du jeu pour pouvoir le patcher. Ouais, donc ça s'adresse pas, ça s'adresse vraiment pas à tout le monde. Ouais, ça, surtout, exactement. Ils ne le vendent pas. Ils ne le vendent pas du tout. Ils font aucun oui, oui, mais tu sais, ce genre de boîte, bah, tu vois, Nintendo avec AM2R, hein, le type oui, a fait son fan game, oui, il n'allait pas le vendre. Si demain Konami nous sort une suite de Zombies Interdictions, je dois avouer que je serais retourné sur mon canapé. Ah bah pareil. je pense que c'est même pas question de suite, c'est question de nom. Konami en ce moment ils sont pas gentils. Je suis sûr que Konami ils se souviennent même plus qu'ils ont fait ce jeu là. Peut-être après oui. C'est pas faux. Non mais de toute façon Konami ils étaient pas. Ouais bah. Konami était juste éditeur. Le développeur, c'était LucasArts. Donc, je suis même pas persuadé que le nom appartient à Konami, déjà. Et tu parlais de AM2R tout à l'heure avec Nintendo, mais ils ont recommencé encore récemment. Le jeu Mario... Super Mario 64, ouais. Ouais, ah, Mario 64 ça, Online. J'ai pas entendu ça. Bah, en même temps, le mec, quand tu vois qu'AM2R, Nintendo, ils ont tapé, il y a Super Mario Odyssey qui sort... Oui. C'est Mario aussi de base, hein. Le mec, je sais pas trop à quoi il s'attendait. Il s'est dit que ça va peut-être passer à travers, mais non, ça passe jamais à travers avec Nintendo. Donc, il y avait pour ceux qui savent pas, il y avait un Super Mario 64 en fait online où tu pouvais jouer jusqu'à 26, je crois, au jeu simultanément. Un mec qui s'est amusé à faire ça. J'ai pas eu le temps de tester du coup. Bon, je pense que je pourrais retrouver ça facilement, mais. Et Nintendo, ils ont fait non, toi tu. Non, mais c'est surtout en termes de timing, effectivement, c'est mal choisi. Ah oui, non, mais là, le gars, il a choisi le full combo, là. Et... Sinon, comme autre fan game, Chou, donc, il y a des gens qui programment encore sur ZX Spectrum. C'est un truc de fou. Il y a un concours actuellement de Homebrew. Qui est organisé par le site, parce que j'ai pas noté le nom du site, et du coup voilà, ça va me prendre deux clics pour retrouver ça, je vais vous le dire. Je crois que c'est zx-dev.com, un truc comme ça. ZX-dev conversion, voilà. Donc il y a eu pas mal d'idées très intéressantes, et il y a quelqu'un qui s'est dit, mais pourquoi pas, après tout, faire un jeu avec le personnage de Mr. Gimmick. Donc pour rappel, c'est un jeu développé par Sunsoft, sorti uniquement au Japon et en Scandinavie. Et là, en fait, c'est pas une conversion simple du jeu Famicom. Le gars, il s'est dit, c'est pas compliqué, je vais reprendre le level design de Shinobi, Mario, voilà, des trucs comme ça. Mais avec un gameplay, en fait, comme dans le jeu Mister Gimmick sur NES. Ouais. Donc pour l'instant, il y a eu que des screenshots, mais bah, pour du Spectrum, je trouve ça absolument pas moche. Et assez rigolo. T'as pas peur qu'on perde un petit peu le dynamisme du jeunesse avec Spectrum qui doit pas gérer quand même le scrolling de la même manière? Attention, parce que des Spectrum, il y a quand même 4 ou 5 modèles différents. Mm-hmm. On ne sait pas, je sais même pas si le développeur, je vais regarder en fait le lien. Voilà, donc c'est fait pour un Spectrum 128K, donc quand même le Spectrum avec le plus de RAM possible existant sur Terre. Et quand on voit le fan game Castlevania qui a été fait sur Spectrum, quand on voit comment ça tourne plutôt pas mal, pour le coup, ben, je suis pas tellement inquiet. C'est vrai qu'il était relativement correct. Ah oui, il était bien, j'avoue. Son seul défaut du jeu Castlevania sur Spectrum, c'est que tu pouvais jouer que au clavier. Là, apparemment, déjà, on voit juste l'écran titre de Gimmick Yumetalo Odyssey, et on voit direct qu'on peut jouer ou au clavier, ou avec l'interface Kemstone, ou avec le joystick Sinclair, voilà. L'interface Kemstone, en fait, c'est pour brancher, je pense, un joystick de type Atari, si je dis pas de bêtises. Enfin, bref. D'accord. Donc, voilà. Donc, pour le coup, bon, on a vu, quoi, passer 7-8 screenshots pour l'instant, mais ça n'a pas l'air dégueulasse. D'accord. Chou, pour continuer, tu avais envie de parler d'un documentaire. Ah oui, oui. Ouais. J'ai vu passer par le plus grand des hasards sur YouTube un documentaire sur un jeu qui s'appelle Polybius, The Video Game That Doesn't Exist. Alors, c'est l'une des plus vieilles légendes urbaines du jeu vidéo, en tout cas de l'époque post-internet, on va dire. Si vous voulez, attention, il y en a pour quand même une heure et quelques. Alors, il n'y a pas de conclusion définitive qui prouve que le truc a jamais existé, mais enfin, quand tu vois, on voit à quel point le type qui a fait le documentaire est remonté quand même assez loin et a fait des recherches très poussées. Je vous spoil pas, allez le voir. Donc, ça s'appelle donc Polybius, The Video Game That Doesn't Exist. C'est très sympa, c'est parfois un peu aride, mais je l'ai regardé en une fois et c'était vachement cool. Voilà. Ok, ok. Et sinon, à ce qui paraît, donc, ils nous ont prévu une compile Kunio-kun. Ouais, j'ai vu passer ça sur Twitter. Ça et ouais, sur Switch, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Bah, il me semble. Ah, si ça pouvait sortir chez nous, ça serait rigolo, ça, non? Parce que Kunio-kun, c'est marrant comme jeu. Hein. Puis en plus, il y a tout un tas de jeux aussi bien différents. Ouais, bah par exemple, en France, je pense que les gens connaissent surtout Nintendo World Cup. Ouais, enfin, il y a eu aussi Street Gang, c'est World Cup, mais c'est vrai que ça s'est arrêté assez prématurément chez nous. Ouais. Et on a pas eu. Il y avait Dodgeball aussi sur. Dodgeball, ouais. Sur GBA, qui est un Kunio-kun. Dodgeball, c'est effectivement. Ça existe aussi sur Famicom, je crois, le Dodgeball. Certainement. Mais enfin, il y en a eu, voilà, il y en a quelques-uns qui sont sortis chez nous, mais pas sous le nom Kunio-kun en fait. Totalement. Et donc vous connaissez, je pense, pour beaucoup Kunio-kun sans le savoir, et une petite compile de ces jeux-là, bah ouais, Street Gang, ouais. Ouais, je dis pas non, moi, parce que j'en ai fait aucun à l'époque. Enfin, j'en ai fait aucun tout court, sauf j'ai joué un petit peu à Nintendo World Cup. Et ça me tente très bien, parce que c'est assez barré comme jeu. Je crois qu'il existe une suite à Nintendo World Cup au Japon. Pur que pas. Si alors, je ne me trompe pas, Kunio-kun, c'est quand même le papa de celui qui a créé Double Dragon. Hein. C'est donc gage de qualité. Hein. Oh, ouais. Ouais. Sinon, niveau anniversaire, il faut quand même dire que ça y est. Je vais citer Face No More. Ah, oui. It's a midlife crisis. Et donc, les 40 ans de l'Atari 2600 aux USA. 40 ans. Ouais. Septembre 1977. Mmh. Et alors, voilà. Je tiendrai juste à dire à monsieur Sony, à monsieur Microsoft, sans doute à monsieur Nintendo, il y a 40 ans sortait l'Atari 2006, et 40 ans plus tard, on peut toujours jouer avec. Je suis pas certain que ma PlayStation ou autre, dans 40 ans, elle tiendra encore debout. Hein. Alors, il y a des consoles qui passent difficilement l'année, genre 40 ans. Hein. Je dirais oui et non, parce qu'il faut quand même encore avoir une télé qui a un tuner. Ah, par contre, mais... c'est vrai. Ouais, mais enfin, si tu prends un modèle US ou même un modèle PAL, pas un modèle CECAM, c'est relativement facile à modder. Le modèle US, hein, c'est quand même un transistor et deux résistances pour faire une sortie composite, donc bon. Ouais, bon, pour quelqu'un comme moi, c'est quand même un truc de. Ouais, mais enfin voilà, c'est. Je suis nul. C'est pour le coup, voilà, je crois que tu as une résistance à couper et tu récupères les. T'as 5 fils à souder, je crois. Mais voilà. Ouais, ça veut dire que déjà, ça ne rajeunit pas. Ah ouais. Mais c'est rigolo parce que je sais pas si dans 40 ans on se souviendra du. De la sortie de. Enfin, je sais pas s'il y aura des gens qui parleront de la sortie de la Switch ou des trucs comme ça, quoi. Ah bah, première console ou autre, tu vois, enfin, si, je pense qu'on aura. Ouais, je pense que oui. Par exemple, une console comme la PS2, je pense qu'on en parlera encore peut-être que les jeux vidéo n'existeront plus, seront complètement passés de mode et que tout le monde s'en foutra aussi, on sait pas. Hein. C'est simple, on se retrouve dans 40 ans, si Twitch existe encore, et si pour ceux qui ont survécu, et on parlera de ça. Ouais. On fera une batterie virtuelle. Non, ça lui fera plus de 100 ans, donc ça va pas marcher, mais. Ouais, c'est vrai, hein. 1685, dans les hautes terres d'Écosse. Il marchera sur sa moustache tellement qu'il sera vieux. Voilà. Dernière petite news, vachement pas rétro du tout, quand même, je tiens à dire. Dans une semaine, jour pour jour, Nintendo sort un nouveau Picross sur sa Switch. C'est terrible. Ah mais moi je suis joueur intense. Par contre j'avoue, il t'annonce ça en genre en mode « Eh en fait, la semaine prochaine, il y a un Picross qui sort, oublie. » Ah Oui, on a fait un Nintendo Direct spécial pour annoncer le prochain sorcier, on l'a oublié, mais c'est pas grave, il sort. Ouais, bon, ça va être bien. Voilà, 300 nouveaux puzzles. Et en plus, enfin, en mode compétitif de joueurs. Bah, puisqu'on en est au truc récent, mais pas trop, si vous attendiez pour acheter Chantel, Genie Heroes, une version boîte sortira avec tous les DLC en 2018. C'est voilà. Limited Run qui fait ça ? Non, c'est l'éditeur. Switch et PS4. Et ce sera, il y aura sans doute des quantités limitées, hein, mais pas autant qu'une Limited Run, quoi. Et voilà, donc si voilà, moi j'ai acheté le tout il y a deux jours en fait, je suis un petit peu deg. Donc un forfait inferno, je vous faune dans 40 ans, ouais. Ok, super le Discord qui plante, c'est génial. Voilà, donc ça tombe bien, nous avons suspendu les débats, on attend qu'ils reviennent. Donc oui, donc ce n'est pas Limited Run qui s'occupe de Chantae, donc ce qui est bien, c'est que tout le monde va peut-être pouvoir en avoir c'est un. C'est ça. Coup. Oui, voilà. C'est ce qui est pas plus. Et je disais ça parce que moi, ayant acheté les deux la semaine dernière, en fait, le jeu plus le premier DLC, je suis un tout petit peu aigri parce que si j'avais su, j'aurais attendu. Ah ouais, mais on peut jamais savoir ce genre de truc. Non, c'est ça qui est chiant. Maintenant, ils te sortent des jeux et après. 6 mois, un an après, ils te disent hey, tiens, si on faisait une version boîte. Et puis là, t'es là, ah merde. C'est gentil, donc je fais partie des premiers acheteurs et j'aurais pas le droit à ma belle version boîte, quoi. Voilà, mais comme je t'ai dit, toi, t'as acheté Wonder Boy sur la Switch, t'as acheté l'édition limitée sur PS4, et là, ils t'annoncent la version boîte sur Switch, tu fais quoi sur Switch et PS4, la version boîte, hein. Oui, non, mais d'accord, sur PS4, on savait, mais sur Switch, c'est nouveau, la version boîte. Hein. Ouais. Je savais pas qu'il allait sortir là. Tiens, ah oui, de Wonder Boy, oui, bah oui. Oui, c'est Wonder Boy, oui, voilà. Est-ce que je vais encore acheter le jeu une troisième fois ? Non, enfin moi perso, c'est non. Ouais. Ça suffit là, on va se calmer. J'ai eu mes deniers beaucoup trop de fois là. Bon, au niveau des news, est-ce que quelqu'un d'autre avait quelque chose à vous ajouter ? Il y a un truc rigolo, il y a l'émulateur NES pour Amiga qui a été développé. Ah ouais, comme ça par contre, c'est un truc de ouf, hein. Alors attention, faut un petit deux petits bémols, il faut plein de RAM, il faut même de la fast RAM, et il faut un Amiga qui a un CPU 68020. Donc voilà, c'est pas l'Amiga 500 de base, mais ça a l'air de tourner pas trop mal, d'après ce que j'ai pu en voir. Donc s'il y en a qui veulent des infos là-dessus, ça s'appelle A/NES. Voilà, NES Famicom et NES Famicom 8-bit émulateur, voilà pour Amiga. Voilà, donc pour ceux qui veulent essayer. Un mec se soit dit je vais faire un émulateur NES pour Amiga. C'est ça, faut y penser. 30 ans après, tu sais. Mais c'est stylé, l'idée me plaît. Ouais, donc je confirme, c'est pas le Amiga 500 de base en fait, avec le 68020. C'est juste un Motorola 68000 classique. Dans l'Amiga 500. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut genre un Amiga 1000 ou une révision genre un 1200 ou un truc comme ça. Après je suis pas très calé en Amiga, je dois avouer. Je suis content d'en avoir un qui marche. Et... Okay. C'est à peu près tout ce que je sais. Ça va peut-être un moins pratique qu'un Raspberry Pi sur le coup, mais bon. Ouais, enfin attention hein, parce que il y a toujours certaines distributions qui refusent de faire tourner l'Amiga sur Raspberry. Hein. Ouais. Recordbox. Recordbox. Ouais. Ah bah non, mais c'est vrai. Ça fait quand même quasiment 2 ans où il y a des gens qui font tourner le truc et ils refusent à cause d'une philosophie de projet à la con en disant bah non, nous non. Attends, il faut mettre toutes les disquettes dans un truc qui est l'équivalent d'un fichier zip. Non, hein, c'est contre la philosophie du projet. Hein. Donc voilà, c'est un peu leur mécanisme de défense. C'est dommage. J'aurais tellement voulu jouer à Sensible Seeker. Tu peux, si tu sais. Oui, tu peux. Voilà. Oui. Donc pour le coup, voilà, c'était la petite news en plus. Ok. On va pouvoir passer à notre super grand sujet principal. Ah, le plat de résistance. Ah, Carlos. Oula. Ah bon ? La saga Dragon Quest. Non, c'est pas... Pardon. Et donc, la musique dans le jeu vidéo. Alors, des fois elle est discrète, des fois elle est envahissante, des fois elle est réussie, des fois elle est un peu moins. Elle est toujours là pour nous porter, nous aider à comment dire, synthétisé à l'univers. Ouh, j'ai l'impression de faire Julien Chies, là. Qu'est-ce que je fais? Alors, tu vas te calmer tout de suite. T'es pas aussi chaud que lui. Mais est-ce que Pulpi, elle a joué à Mario Odyssey en caleçon? Je sais pas. Désolé. Ouais, voilà. Et donc, voilà, sur le coup, on avait envie de vous parler de la musique dans les jeux vidéo. Enfin, la musique. Pour commencer par le début, musique, c'est peut-être un grand mot, plutôt bip-boop au départ. Hein. Voilà. Pour citer grand-père Simpson, c'était la mode à l'époque. Voilà. C'est la mode des bips. Et donc, oui, parce qu'on a commencé au départ donc avec juste des petits buzzers à qui on faisait buzzer des notes plus ou moins hautes. C'est un peu ça l'idée, hein, je trouve. Bah, ouais, en fait, l'idée. Enfin, j'ai jamais pu jouer à Computer Space. Donc, je sais pas si vraiment il y avait véritablement du son dedans. Mais le pont tel qu'il a été pensé, il y a. Je crois que c'est Alcorn, ouais, c'est Alcorn, qui est venu avec l'idée d'implémenter du son. Mais il a pondu ça en. Allez, une après-midi, je crois, ou quelque chose comme ça. L'idée à la base de Bushnell, c'était de mettre le bruit d'une foule qui applaudit. Et comment tu voulais faire ça en 72? Non mais c'est vrai, voilà. Donc lui, il s'est dit, je bricole trois sons, et puis s'il n'est pas content, ça ira très bien. Vous imaginez, en 72, voilà, par exemple, tu pouvais mettre une cassette audio, mais il aurait fallu la rembobiner automatiquement. Ou oui. Même faire jouer un vinyle en boucle, je sais même pas comment ce serait. Ouais, ça aurait été un truc trop chelou. Hein. Voilà. Voilà. Pour ceux qui veulent l'info exacte sur ce que j'ai dit, je crois que c'est Chronique d'Atari épisode 2 ou 3 sur YouTube. Allez voir. Je me souviens plus de ce que j'ai dit dans cette chronique il y a 3 mois. Du coup, j'ai un peu de mal à me souvenir de ça. Mais oui, en gros, ben, c'est les bips. Mais le bip, il n'est pas émis par la télé. Il est mis par un buzzer. Donc, ça va des conversions de ce qu'on appelle les home pong jusqu'aux ZX Spectrum, en passant par certains ordi comme des IBM PC qui n'avaient pas de carte son. Et ben, c'est les musiques des jeux, les bruitages, passés par un buzzer. Bah, pour ceux qui s'imaginent peut-être pas, c'est, vous savez quand vous allumez votre PC, là, ça fait bip. Bah voilà, c'était... Voilà. il y a encore des buzzers dans tous les PC ouais, pour indiquer les codes d'erreur au démarrage. Ouais. Imaginez que sur ZX Spectrum, les musiques entières du jeu étaient générées pour tourner là-dessus. Ouais, voilà. Voilà. Donc vous avez des trucs, mais totalement farfelus. Et parfois, vous avez pour le coup des musiques qui sont géniales. Vous dites, mais en fait, le mec, il a composé des musiques pour que ça tourne sur ce petit buzzer à la con, c'est juste génial, quoi. Ça fait à partir de quel moment on considère qu'il y a vraiment eu de la musique dans les jeux vidéo en Alors, d'après ce que j'ai trouvé, il y aurait une mélodie, une sorte de loop dans un jeu d'arcade de Taito qui s'appelle Gunfight. Mmh. Si j'ai mis mes notes correctement, ça date de 75. Taito, je vais regarder. 75, voilà. C'était sur quel support du coup? Arcade. Arcade? C'est ouais, Taito. Voilà, c'est de l'arcade. Donc c'est... Après, en fait, c'est rigolo parce que le gunfight de Taito, pour ceux qui ont joué à Outlaw sur Atari 2600, on a l'impression que c'est une conversion, en fait. D'accord. Ça ressemble énormément. Et alors, d'après ce que j'ai vu, Gunfight aurait aussi la particularité pour être l'un des premiers, si ce n'est le premier, jeu à stocker en fait toutes ces infos sur ce qu'on appelle un mask ROM. Voilà. Voilà. Au lieu d'utiliser en fait les techniques comme avant, où on voilà, pour programmer un jeu, c'était une série de transistors et de composants logiques. Donc, voilà, pour le coup, c'est. Et apparemment, il existe une version, je vois, pour Atari 2600 qui s'appelle Gunslinger. Ah bah oui, voilà. Je l'avais pas marqué dans mes notes. Voilà, apparemment, c'est la première mélodie. Mais apparemment, la première musique qui tourne en continu dans un jeu vidéo, certains disent c'est Space Invaders, mais en même temps, c'est deux notes qui sont accélérées. Et apparemment, c'est un bug de programmation qui fait que ça s'accélère. Donc, bon. le bug le plus génial du monde, parce qu'en fait, oui, ça rend super bien. Hein. donc, voilà, je vais dire, c'est laissé à l'appréciation de chacun. Parce qu'en vrai, le truc, c'est que. Est-ce qu'on peut dire l'Atari 2600 générait des sons, mais il n'y avait pas de musique? Ah non, monsieur, c'est faux. Déjà, t'as les Pitfall, t'as Pitfall 1 et 2, et tu as un autre jeu qui a une... Je me souviens plus exactement. Quand tu lançais Qbert et tout ça, t'avais une petite mélodie d'une... C'est quand la partie commençait. C'est tout. Que fait à quel Jairus, chose. Voilà. J'ai Jairus qui sur Atari 2600 qui a une pour le coup une musique qui est loin d'être dégueulasse pour ceux qui veulent écouter. Attention, ça pique quand même un peu les oreilles. Hein. C'est de l'Atari 2600. Par là, l'Atari 2600 était bien pas capable de gérer à la fois du son et des bruitages. Elle avait au moins deux voix différentes. Attends que je me souvienne. Le Pitfall 2, l'Atari est capable de générer le son. Enfin, la musique et les bruitages en même temps. Mais je crois qu'il y a une puce supplémentaire dans la cartouche. C'est un peu comme les puces dans les cartouches Nintendo et Super Nintendo. Voilà. Je pense que c'est plus la cartouche qui permettait de pouvoir étendre les possibilités de la machine. Mmh. Et ouais, effectivement, il y a ça dans Pitfall 2. Dans le 1, j'y ai pas trop joué, donc malgré que je l'ai en cartouche, mais je ne me souviens plus exactement s'il y a le son qui est généré en même temps. Moi, j'ai quand même un doute dans Pitfall 2, ce serait peut-être une info à vérifier. Mais de mémoire, il me semble que les musiques et les bruitages sont générés en même temps. Et donc, sur le coup, à l'époque, est-ce qu'on pouvait dire que les musiciens étaient avant tout des programmeurs? Ou inversement, est-ce que... il fallait forcément savoir programmer des puces pour pouvoir... Je pense pas qu'il y avait de musiciens attitrés à l'époque. C'est effectivement les programmeurs qui faisaient les sons. Tout dépend de quelle époque on parle. Si on parle de l'époque... Années 70. Voilà, années 70. Années 70, c'est plus, des programmeurs que des musicos. Voilà. Par contre, quand on arrive dans les années 80, avec toute une série d'ordi comme les Amstrad CPC, les MSX, les Spectrum et compagnie... Ouais, là, on a vu l'émergence des musiciens. Voilà. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, tout ce qui est Amstrad CPC, le Auric 1 de la compagnie Atmos, un ordi que personne ne connaît, toute la série des MSX et les NX Spectrum ont toute la même puce, qui est une puce sonore qui est fabriquée par... je crois que c'est Général Instrument ou quelque chose comme ça. Texas Instrument ? Non, c'est... Je connais le nom de la puce par cœur. C'est la AY-3-8910. Je ne me souviens plus par qui elle est faite. Général Instrument, c'est bien ça. Après, je sais pas, jusque la Game Boy Super NES, il y avait encore beaucoup de gens qui étaient... considéré comme programmateur sonore. Oui. Donc cette idée d'avoir programmateur, c'est pas tout à fait le même truc. Programmeur sonore. Donc cette idée d'avoir des gens qui programment de la musique, elle est restée quand même assez longtemps. Donc parfois les gars avaient la double compétence où c'était vraiment des vrais compositeurs de musique. Peut-être spoiler un peu la suite du sujet, mais comme Uematsu ou autre qui était un vrai compositeur et qui en plus faisait ses musiques sur NES ou autre. Ouais. Mais voilà, il fallait quand même savoir de quoi était capable la machine en fait. C'est que à cette époque, moi, t'avais pas genre un clavier que tu branches en MIDI et puis. Voilà. Voilà. Donc t'avais absolument pas ça. Mais, par contre, tu avais ce qu'on appelait des trackers. Les trackers, c'est bien connu de notre ami Mister MV. Oui, avec son tracker GBA, là, ou Super NES. Voilà, dont j'ai oublié le nom, mais voilà. Oui. J'en ai reparlé hier, en plus, avec un pote qui était de passage. Je ne sais plus pourquoi on a reparlé de ça, mais enfin bref. Oui, parce qu'on a testé Worms sur Game Boy Advance, sur Game Boy Color. Et c'était pas bien, ça piquait les oreilles. Donc voilà. Donc à l'époque, tu pouvais pas utiliser genre un clavier en MIDI et tout machin, faire des vraies compositions. Il fallait que tu tentes de regarder, voilà, si je fais telle action, voilà, j'ai telle note, voilà. Fallait vraiment y aller à tâtons et c'est pour le coup un peu plus compliqué qu'avoir un piano, hein, basiquement. Donc il fallait vraiment qu'ils soient en même temps qu'ils sachent ce qu'ils font au niveau informatique. Il fallait savoir les caractéristiques techniques de la puce sur laquelle ils étaient programmés pour que même si c'était des compositeurs, tu vois, qu'ils sachent que ce son-là, il passera jamais, ou Ces harmoniques-là, c'est mort. C'est pour ça qu'on a, donc sur certains chipsets limités de vieilles consoles, comme on en parlait, le Game Boy, je crois que c'est personne, c'est une console qui a autant d'exemples de titres qui sont mauvais au niveau sonore que des compositions qui sont vraiment inoubliables. Preuve que, en fonction de comment tu maniais le truc... Sur la Game Boy, je voudrais citer Masuda, le mec qui a fait la musique de Pokémon. Je vais juste vous citer un exemple. Parce qu'il a réussi un truc incroyable. Personne s'en est forcément rendu compte à l'époque, mais il a réussi un truc incroyable. Le thème de combat de Pokémon, il n'y a aucune percussion dedans. Il a réussi à faire un thème de combat sans percussion, et il a été contraint de le faire parce que s'il mettait des percussions, on pouvait pas entendre le cri des Pokémon. Et ça, c'est vraiment l'exemple typique des contraintes qu'avait le mec qui voulait faire sa musique sur le jeu. Il fallait qu'en plus, il prenne en compte le sound design du jeu et les fameuses caractéristiques de la Game Boy qui avait 4 voix, c'est ça Aïe. 4 voix, une pour, je sais plus, une pour le grave, une pour les aigus, une pour les sons, une pour... Enfin bref, voilà. Et le gars, il a été contraint de faire un des thèmes de la série que tout le monde connaît, thème de combat, et d'une certaine manière, et ben juste parce qu'il pouvait pas faire autrement en fait. Après, on a été peut-être un peu vite en besogne dans l'évolution du. D'accord. Je voudrais juste revenir sur la Game Boy. On parle de Bobby Sunsoft. Ouais. Kodaka a quand même développé une technique, la basse Sunsoft, pour pouvoir faire de la musique plus facilement. Et quand vous écoutez la musique de Sunsoft sur Game Boy, même sur NES... Même sur NES, De toute façon, il y a... Kodaka est un génie et qu'il a réussi à faire... De toute façon, avec Sunsoft... la NES et la Game Boy, musicalement, un truc exceptionnel. Donc, tu prends même leurs jeux les plus moisis à Sunsoft, ils ont toujours des bonnes musiques, de toute façon. C'est ça. Quoi, il y a une chose qu'on m'a pas parlé. Oui, tu disais qu'on était allé un peu vite. Oui, parce que comme on n'en est pas vraiment à utiliser un clavier type piano, on a quand même la puce sur Commodore 64 qui s'appelle la puce SID, qui est très connue, très, très appréciée. Enfin, il existe 2 variantes, on va pas revenir là-dessus et pour faire l'historique de la machine. Mais pour le coup, pour ceux qui n'ont jamais entendu la puce SID dans toute sa gloire, tapez Commodore 64 et écoutez ce que Rob Hubbard, attention pas Ron Hubbard, le scientologue, non c'est pas le même, là c'est le mec qui faisait les compos, voilà. Et du coup il a fait énormément de thèmes de jeux très connus à l'époque sur Commodore 64, il a fait aussi les musiques de International Karate Plus, Jet Set Willy, Monty on the Run, Finger on the Spring, donc Commando, Thundercats aussi, même si le jeu est pas terrible. Et aussi les musiques d'un fameux jeu Auwiedersehen Monty. Et j'ai découvert tout à l'heure en faisant les recherches que apparemment la musique elle est pas vraiment de lui. C'est donc un thème qu'il a piqué à un compositeur dénommé Charles Williams. Et pour ceux qui sont fans des Monty Python, le fameux truc de l'Inquisition espagnole dans Flying Circus saison 2 épisode 2. En fait, il y a une musique qui est jouée à chaque fois que l'Inquisition espagnole apparaît. Et ben en fait c'est le galop du diable, donc composé par Charles Williams. D'accord. Nobody expects the Spanish Inquisition. Voilà, merci. J'allais le dire. Donc voilà. Mais tout ça, en fait, à partir du Commodore 64, on a vu arriver des extensions que tu posais sur le clavier qui te permettaient d'avoir, comment dire, quelque chose que tu venais. C'était un morceau de plastique que tu venais greffer au-dessus du clavier du Commodore 64 et tu pouvais simuler le comportement d'un. Un vrai clavier, au sens piano du truc, attention. Mais c'est à partir du coup de l'Atari ST et de sa fameuse prise MIDI qu'on a pu vraiment s'amuser à composer de la musique de façon un peu plus simple. Alors le format MIDI, voilà, de manière plus générale, est quelque chose qui est venu. Donc l'idée du format MIDI, c'est de créer des cartes son qui sont capables de générer des instruments de manière synthétique. Voilà. Mais en même temps, pour pouvoir sortir les sons des instruments, on a juste à écrire un fichier qui sera très réduit en taille. Et c'est la machine qui interprète en fonction de son chipset sonore. C'est un peu ça l'idée. Exactement, oui, c'est totalement ça. Alors attention, il y a toujours la guerre, on est en 2017. Mais moi j'ai eu un ST, moi j'ai eu un Amiga. Alors attention, l'Atari ST a certes le port MIDI natif, Mais il n'a pas un meilleur son qu'un Amiga 500. J'ai beau être un pro Atari, je reconnais que l'Amiga a fait un meilleur son. Faut arrêter les blagues. Vous prenez deux jeux avec des musiques identiques, vous écoutez la comparaison. Bon, à moins d'avoir de la choucroute dans les oreilles, je pense que c'est très compliqué de dire que l'OST a un meilleur son. Comment ? Pourtant, on entend souvent le contraire. Hein. C'est vrai que. Fais la comparaison, tu verras que c'est loin d'être évident. Hein. Enfin, au contraire, c'est pour certains jeux. En fait, c'est même rigolo, parce que certains jeux, au début de l'Amiga, c'était des conversions de jeux qui étaient d'abord développés pour l'Atari ST. Donc les musiques étaient portées, mais même en faisant un portage des compositions musicales, t'arrivais quand même à tirer mieux profit des capacités de la machine. Ouais. D'ailleurs, une dernière petite info qui a son importance, tout à l'heure, j'ai cité la fameuse puce General Instrument là, qui était utilisée dans l'Amstrad et machin. Il y a une variante qui est réutilisée dans l'Atari ST. Donc, pour le coup, on passe à une génération de machines suivantes, mais on a encore des composants qui ont 5, 6 ans dans leur carrière. La même puce qu'on retrouvera dans la Mega Drive aussi, d'ailleurs, qui gère le son. Bah justement, en parlant de la Mega Drive, je crois que c'est une console qui cristallise un peu. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent que le chipset sonore Mega Drive est mauvais. Pas vraiment, non. Et que on peut rien en faire à part des sons métalliques et désagréables pour les oreilles. Soit dit en passant, il me semble que dans la Neo Geo, il y a le même processeur sonore que dans la Mega Drive. Oui, d'une part. Oui. Faudrait que je vérifie, mais il me semble. Ben si, c'est bien. Et d'autre part, donc c'est ce qu'on disait par rapport tout à l'heure au compositeur programmeur, il y a un cas très intéressant parmi les stars des compositeurs de l'époque, c'est le cas de Yuzo Koshiro. qui quand même est quelqu'un qui a réussi, outre le fait qu'il ait fait plein de jeux sur plein de consoles différentes, c'est pas ça le problème, c'est que sur la Mega Drive, il est quand même connu comme étant quelqu'un qui a réussi quand même à prouver que ce chipset sonore pouvait sortir des choses fort belles. Bah, c'est très simple, il est l'auteur de la première musique de jeu vidéo copyrightée, le thème principal de Street of Rage. C'est-à-dire, il était tellement content de lui, le mec il a dit « celle-là, je la dépose, elle est badass ». Et oui. Et ça va plus loin, moi aussi. Il est le premier dont le nom du compositeur apparaît dans l'écran titre. Du coup, effectivement, vu qu'il est copyrighté, ils n'ont pas d'autre choix que de le citer. Pour le coup, j'ai vérifié, tu as effectivement raison, c'est bien le même processeur sonore dans la Neo Geo, dans la Mega Drive. Mais le processeur sonore de la Neo Geo a 15 canaux au lieu de 6 dans la Mega Drive. Voilà. Mais pour revenir sur la Mega Drive, je le dis souvent, mais le premier jeu que j'ai joué sur Mega Drive, c'était Street of Rage. Et je comprenais pas tous ces gens qui disaient que le son de la Mega Drive, c'était de la merde. Parce que, vous écoutez la bande-son de Street of Rage, vous pouvez décemment pas dire que c'est nul. Enfin, je ne sais pas. Ça ne l'est pas, non. Surtout, avant ça, il a quand même pu expérimenter les choses avec Revenge of Shinobi. Oui, mais pareil. Qui est aussi il a fait les musiques, donc je dis toujours entre parenthèses pour ceux qui savent, on en a parlé dans du podcast de Sonic, sur Master System et Game Gear, le tout premier. Et après, sur Super Nintendo, il s'est illustré sur les deux Actraiser et Super Adventure Island. Mais le processeur Super Nintendo était connu comme étant plus smooth, on va dire, et plus gentil. Il y a un mec là qui a fait un truc récemment, il a refait toute la bande-son de Mega Man X, et il s'est dit, tiens, ça aurait donné quoi sur le chipset de la Mega Drive? Sauf qu'il a fait ça proprement, et il y a des musiques, elles ont plus de patates que sur la Super NES. C'est un grand fan de Mega Man X qui vous le dit là. Il y a des musiques, franchement, le gars il a fait un super bon boulot. Le côté très métallique des sonorités Mega Drive font que lorsque c'était bien utilisé, comme dans les jeux Treasure ou dans Probotector, par exemple, les musiques ont l'air tellement vénères. Les basses de la Mega Drive, elles défoncent les basses de la Super NES. Hein. Il n'y a même pas de jeu no match, quoi. C'est... Et si je disais avant, si on disait que donc, est-ce qu'on peut parler à l'époque de programmeur ou de compositeur, le cas Yuzo Koshiro est quand même très intéressant parce que une fois que les consoles sont passées au support CD, ben, il a un peu disparu de la circulation, le bonhomme, en vrai. Ah, comme Rob Hubbard, en fait, hein, comme j'ai cité tout à l'heure, dès l'instant où l'ère Commodore 64, elle s'est terminée, tu n'as plus jamais entendu parler de lui à croire qu'il est passé à autre chose. Et parce que pour y avoir joué, donc, et moi, toi, tu l'as fait récemment en stream, il y a quelques temps, quand on joue à Legend of Oasis sur Saturn, la suite de l'histoire de Légende de Thor, on se demande un peu ce qu'il a essayé de faire en vrai. Ouais, c'était très bizarre. Déjà dans le premier, c'était un parti pris assez audacieux, je trouve. On accroche pas. Mais là, dans la suite sur Saturn, on sentait que c'était pas maîtrisé en fait, c'est très étrange, j'ai pas adhéré du tout. C'est presque dissonant, je trouve, par moments. Ah, mais des fois, la dissonance, quand c'est maîtrisé, c'est bien, mais là, ça passait pas. Mais cela dit, il y a un autre jeu qui est sorti à peu près à la même époque, qui a beaucoup fait polémique, c'est Streets of Rage 3 aussi. Ouais. Dont beaucoup considèrent que les musiques sont très inférieures. Belge, passe t'en penses ça. Ah oui, complètement. Moi, je trouve ça vraiment assez chaotique, très bizarre, beaucoup plus techno, moins mélodique. Franchement, je mets largement Street of Rage 1 et 2 au-dessus, quoi. Mais je mets même le 1 au-dessus du 2. Et tu parlais tout à l'heure de Revenge of Shinobi. Moi, je préfère encore davantage la musique de Shinobi, quand même. Soit dit en passant, il a signé aussi les deux bandes son des deux GG Shinobi sur Game Gear. Oui, oui, d'accord. Ah, c'est lui aussi. D'accord. Ah, et puis Beyond aussi, Sonic Master System. Oui. Faites comme si je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Ouais. Ah là là, oui, petite pelle, dis donc, tu nous apprends quelque chose. Il écoute pas ce qu'on lui dit. Comme tu dis, dans l'anonymat, alors qu'avant, on pouvait se dire, tu sais, on achète un jeu, un prétexte à l'achat, tu dis, oh, il y a Yuzo Koshiro, tellement il était populaire. Alors que maintenant, quand tu vois qu'il fait la musique de jeux comme Etrian Odyssey, là, dont le 5 sortira, personne ne connaît, hein, ça c'est clair et net. Mais alors, par contre, attends, il a participé à certaines soundtracks connues récemment, notamment sur le Super Smash Bros. Brawl ou Kid Icarus Uprising sur la 3DS, mais... il n'a pas été du tout mis en avant, oui, comme il aurait pu l'être dans les années 90. Ah ouais. Ouais, c'est ça, mais il y a dans ce truc. Hein. Il n'a pas mis ça de côté. Donc, finalement, Yuzo Koshiro a échoué là où, comme on disait tout à l'heure, Nobuo Uematsu a réussi. Ouais. Bah. Donc maintenant, si tu parles de Nobuo Uematsu à des gens qui ont joué ou qui jouent aux jeux vidéo, tu vas être sûr à 80% qu'il y en a qui connaissent. Tu parles de Yuzo Koshiro, la probabilité est moins grande quand même. Pour les gens de notre génération, peut-être, oui. Mais... Ouais, bah nous, oui, parce qu'on a connu ces jeux justement, mais maintenant, il n'y a plus de jeux où tu vois Yuzo Koshiro. Enfin, c'est plus compliqué. Donc effectivement, Uematsu s'en est beaucoup mieux tiré que. Ouais, bah oui. Mais tout à l'heure, Koji Kondo aussi s'en est plutôt bien tiré. Ah, c'est au-delà. Koji Kondo, il a combien à 100 ? Parce que Koji Kondo est très très vieux. Hein. Oui, c'est vrai qu'il doit avoir 200. Il était presque aussi vieux que Petite Pelle, je crois. Ah, mais arrêtez de dire qu'il est vieux, il s'en va. Petite Pelle qui vient d'avoir une déco. Voilà. La vieillesse, justement. Ouais. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, parce que tu disais tout à l'heure que les compositeurs de l'époque, enfin dans les jeux vidéo, étaient forcément des programmeurs à la base. Bah, c'était le cas de Yuzo Koshiro. C'était un génie de programmation en fait avant d'être compositeur. Mmh. Bah ouais. Je voudrais juste saluer Koji Kondo pour un petit détail. C'est quand même le type qui réussit à faire donc les deux thèmes, on va dire, parce qu'on va pas parler du troisième, du dernier donjon, mais les deux thèmes de Legend of Zelda. Et je sais pas vous, mais moi, je n'arrive toujours pas à me lasser de la musique de Zelda sur NES. C'est-à-dire quand j'y joue, c'est pas dérangeant d'avoir toujours cette musique en boucle. Mais il a fait aussi le thème, le thème du 1-1 de Mario Bros. Il l'a quand même fait à la base pour que un joueur qui réussisse parfaitement le niveau, ses sauts soient en rythme avec la musique, quoi. Le gars a poussé très loin sa recherche dans ses compositions et tout. C'était presque du génie, ça m'emmerde de dire ça, mais c'était presque du génie quand même, quoi. Ouais, je considère ça comme du génie. Ouais, carrément. C'est clair. Et tu parlais duquel Zelda ? Zelda NES, c'est le premier Zelda. La musique des donjons, par exemple, elle est pas très longue. J'arrive pas à m'en lasser. Et pour revenir à Nobuo Uematsu, quand même, parce que soit dit en passant, qui est le compositeur de la série Final Fantasy, attitré. Qui était, pardon. Il était, ouais. Voilà, je le dis aux jeunes qui nous écoutent. Il a disparu avec le 12. Il a tellement bien négocié son passage, lui, donc des chipsets sonores au CD, qu'il a réussi à un tour de magie fantastique, quand même. Enfin, on va en reparler avec Final Fantasy VII. Qui est un jeu qui utilise les sons MIDI de la PS1. Alors qu'à l'époque, il y avait déjà du CD, du son CD. Il y avait déjà des musiques. Pour une question de place sur les disques, puisqu'il y avait les vidéos, il y avait les décors, il y avait tout passait pas, il a dû utiliser le format MIDI de la PS1. Et donc, tout ce que vous entendez dans FF7, c'est des sons MIDI. Et il y a des trucs, ça s'entend quand même. Mais globalement, ça reste assez... Oui, parce que la composition musicale est bonne. Mais c'est parce que c'est des compos qui sont bien. Voilà. Mais par exemple, le son des grattes électriques, notamment sur le thème de boss, c'est un peu du caca. Hein. Le thème de Sephiroth, effectivement, quand tu es habitué maintenant à la composition orchestrale et que tu réécoutes maintenant, le sens. Mais c'est clair qu'à l'époque, quoi, la bande-son, tu l'écoutais, ça faisait boum, patate dans ta gueule. Mais il, de toute façon, il n'avait pas le choix qu'il d'assurer son coup, parce que après celle d'FF6, les Final Fantasy, c'était quand même sacrément attendu au tournant, hein, au moins du point de vue de la musique, quoi. On peut dire qu'il a réussi son coup. Hein. D'ailleurs, il a dit lui-même que pour lui, ça restait quand même FF6 le truc dont il était plus fier. Bon, il y a débat peut-être, FF6, tout ça, mais... FF6, voilà, outre bon, le chipset de la Super Nintendo qui est quand même. Est quand même là pour faire le taf, c'est vrai qu'en termes de composition, FF6 contient des moments. À composer un opéra dans un jeu Super NES, voilà. Bon, rien que l'intro avec le thème de Terre, ouais, aussi. C'est clair que la Super NES, enfin, les consoles, oui, globalement, parce qu'on va peut-être pas insister là-dessus, et la musique du boss de fin, ouais. Ouais, complètement folle. La musique du boss de fin, c'est encore mieux que One Winged Angel. Hein. C'est vrai que Dancing Mad. Réussir à faire Dancing Man et One Winged Angel 3 ans après. Non. Merci, bon monsieur. Tu m'en parles, j'ai des frissons. Quoi. Ah ouais. C'est pour te dire le Dancing Mad. Mais tu as froid. C'est puissant. Oui, parce qu'on l'a peut-être pas dit, mais bon, on parlait de son 8 machin et tout, mais. D'un point de vue technique, certes, ils avaient des contraintes, mais je trouve que c'est là où c'est leur génie, c'est qu'ils ont fait des mélodies qui restent gravées dans nos mémoires, malgré toutes ces contraintes. Et c'est pour ça que nous, Uematsu est fier, le plus fier de la BO qu'il a faite, dont il est le plus fier, c'est FF6, c'est parce qu'il avait les contraintes de la Super NES, mais il t'a sorti un truc monstrueux, quoi. Oui, parce que c'est un musicien de génie aussi, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il a un groupe aussi. Les Black Mage, attention. Il faut écouter ce qu'il fait avec les Black Mage, c'est... Il faut aimer le métal. Oui, mais même quelqu'un qui n'aime, je pense, n'aime pas Parker métal, peut écouter, parce que derrière, la compo, elle est phénoménale. Comment il travaillait, justement, au Uematsu, avant de faire une composition, il va comprendre sur quel était le support, il compose sur un piano, il se démerde pour transposer tout ce qui est instrumental et s'adapter. Robocop est de retour. En dehors du matériau sur lequel sera la musique au final. De toute façon, il a pas le, tu vois, il est obligé de travailler d'abord en compilant. Mais voilà. Ah, il fait une compo et ensuite il la vise, quoi. C'est ça. Ouais. Il adapte. Et il fait, alors parce que moi j'ai jamais écouté les Black Magis, les Black Mage. Il fait du power metal, c'est ça? Ça donne quoi musicalement son groupe? Ah, c'est très propre, hein. Franchement. Moi, quand tu dis power metal, moi je pense à Stratovarius. Mais c'est pas vraiment power metal, hein. Attention. C'est du symphonique. Je pense que c'est difficile de. Moi qui suis pas un grand. Une personne qui va écouter beaucoup de metal. T'as des solos de guitare électrique, t'as un peu tout en fait. Ça synthétise, il y a un son rock, mais ça brasse à peu près tous les spectres musicaux. Mais c'est faux. C'est aussi propre que les groupes japonais. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais les japonais, ils ont une façon de faire de la musique qui va être très très carré. Je parle pas de J-pop ou autre, où là je maîtrise vraiment moins. Hein. Mais tout ce qui est jazz, fusion, metal, rock, machin, ils vont avoir une façon de procéder où tu sens qu'ils ont bossé le truc, tu vois, mais façon japonaise. Je sais pas le dire, hein, c'est nul ce que je suis en train de décrire. Là. Non, mais après, il faut écouter juste Maybe I'm the Lion de FF8, version Black Mage, pour voir le travail en fait. Pour rappeler de la version FF8, vous écoutez celle-là, vous voyez la différence musicale, où ils ont tout retravaillé, parce que c'est ça aussi. C'est retravailler tous les instruments. Ouais. Et bah avoir oui. Des instruments que nécessairement tu n'aurais pas pensé voir sur la compo. Et c'est là où tu vois qu'effectivement ils sont. C'est fort. Si vous voulez écouter un autre groupe japonais qui est un petit peu dans la même style, dans le même veine de métal qui existe depuis une vingtaine d'années, il s'appelle Concerto Moon. Et c'est sympa. Comme tu dis, dans la façon de faire, c'est particulier, c'est très différent des groupes scandinaves, très différent des groupes américains, c'est encore autre chose. Voilà. Petite parenthèse purement musicale. On est dans le thème de la musique. Hein. C'est la musique, bordel. Dans la musique traditionnelle, si j'ose dire. Je profite sans transition, mais vu qu'on est encore dans le thème des programmeurs, programmeurs musiciens ou pas, je voulais juste revenir aussi sur Junichi Masuda, là, qui a fait les musiques de Pokémon au début, mais maintenant, lui, il est carrément en charge du projet Pokémon. Ah oui, c'est papa Pokémon. Donc maintenant, le mec il programmait ses sons, ses musiques, et il a plus pris la voix du programmeur, producteur maintenant et tout, mais il a fait beaucoup de trucs de programmation aussi dans la saga Pokémon. Voilà, c'est un mec qui a commencé, il était programmeur, programmeur sonore, mais programmeur. C'est un petit peu comme on parle toujours en termes de cinéma de John Carpenter qui fait les storyboards, qui réalise, qui joue et qui écrit la musique de ses films. Et comme Toby Hooper aussi. Comme regretté Toby Hooper. Toby Hooper aussi était pareil. Et pareil hein. Est-ce que vous avez d'autres compositeurs comme ça qui vous viennent à l'esprit, des gens dont vous avez envie de parler? T'as dit John Carpenter, je repense à The End là. Qui fait très penser, parce que du coup c'est un rapport, c'est le thème de Zebius 2, ça existe ce shoot'em up là? Ouais, Zebius 2, oui. Ouais, il me semble que c'est le thème de Zebius 2, et c'est The End de John Carpenter en fait. D'accord. C'est pas Xenon 2? Xenon 2, Xenon 2 Megablast. Xenon 2, Xenoblast, voilà c'est ça. Et c'est la même quoi, c'est... et du coup oui, puisqu'on parle de... Oui, effectivement, les gens balancent beaucoup de cœur là. Je réalise entre parenthèses que oui, Masuda, il a aussi fait quelque chose de bien avec la Mega Drive. C'est lui qui a fait la musique de Pulseman. De Pulseman, oui. Bien sûr. Game Freak. De toute façon, c'est un mec de Game Freak. Pulseman, j'en parlerai un jour, mais pas maintenant. Ce n'est pas le moment. J'attends ça avec impatience. Ce n'est pas le moment. Mais effectivement, oui. Et donc oui les gens, vos compositeurs là, toute génération confondue là de 1970 à 2017. C'est difficile. C'est difficile. Oh, allez, fais pas ta timide, je suis sûr que t'as des noms comme ça qui viennent. Je vais pas Michiru Yamane. Je suis comme toi, Beyond. T'as vu, je t'ai laissé parler avant. Ouais, non, mais voilà. Je sens qu'il y en a deux qui voulaient se battre en duel, là. Non, ça s'est réglé en duel télépathique. Yamane, parce que Michiru Yamane, ça fait partie des rares femmes compositrices de jeux vidéo qu'on met sur le devant de la scène. Il y en a peu, hein. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas, sa vie, son œuvre. Michiru Yamane, si je dois la résumer, une seule œuvre. Bah, Beyond, vas-y, dis-la. Castlevania Symphony of the Night. Voilà. Pour que ça parle à tout le monde, c'est la maman des musiques de Castlevania Symphony of the Night, quoi. Donc ça rigole pas. Non, ça reste ma compositrice effectivement préférée. Avec Yoko Shimomura. Eh ben alors, moi j'allais parler de Yoko Shimomura justement. Voilà. Et alors, mais juste pour parler un petit peu de donc plus de Michiru Yamane, sachez quand même que c'est elle qu'on doit les musiques de, entre autres avec d'autres compositeurs d'Astérix en arcade. Ça, c'est rigolo quand même. Ah, c'est elle. Ok. C'est une des compositrices. C'est elle qu'on doit Castlevania, Bloodlines sur Mega Drive et avec d'autres également Probotector, Rock'n Knight Adventure et Sparkster, toujours sur Mega Drive. Donc on parlait des gens capables de tirer quelque chose du chipset Mega Drive. Ben voilà. Les musiques de Bloodlines, elles sont vraiment très bien. Elles sont magnifiques. Ouais. Voilà. Et qu'ensuite, donc, elle a été plus ou moins en charge donc, entre guillemets, de la série Castlevania, puisqu'elle a fait aussi Aria of Sorrow, Lament of Innocence et Curse of Darkness, les deux épisodes PS2, qui, s'ils ne sont pas parfaits d'un point de vue gameplay, ont des musiques absolument fantastiques. Et un peu d'Harmony of Dissonance aussi. Voilà. Un tout petit peu, parce qu'elle a fait juste le boss rush mode, normalement. Et donc, et après, c'est les trois, pareil, sur Dawn of Sorrow, elle a fait quelques compos, et elle revient sur Portrait of Rune et Order of Ecclesia entièrement. Donc, on peut dire qu'elle a tellement marqué la série Castlevania. Et n'oublie pas que le Portrait of Rune, il y a Yuzo Koshiro aussi, qui fait des musiques. De... Ah bon, tiens. Et oui. Ah, on comprend mieux pourquoi c'est bien. Donc, c'était donc avant tout une compositrice. Enfin, comment dire, c'était quelqu'un qui connaissait les processeurs des machines, parce que sinon, elle ne pouvait pas faire autrement, mais qui a réussi avec Castlevania Symphony of the Night, à s'exprimer complètement. Parce que là, Symphony of the Night, c'était aussi, il me semble, du MIDI sur la PS1. Bonne question. Ouais, je ne sais rien. Je n'ai pas l'impression quand tu écoutes les musiques. Parce que quand tu les mets, parce que tu pouvais écouter les musiques directement sur le CD si tu les mettais dans la chaîne IFI. C'est sûr ? Tu avais les pistes. Ah, bah oui. Non. Et il me semble pas que ce soit pas du MIDI, même quand tu écoutes le jeu en lui-même, quand le jeu sur PS1. Oui, donc je dis rien que des bêtises. Il y a la différence, voilà. Non, mais je pense que tu t'entends la différence. Il suffit de mettre FF7, peut-être tu vois le son MIDI. Symphony of the Night, non, c'est purement, c'est musicalement la même chose que ce que tu entends quand tu achètes le CD. C'est la même, il n'y a aucune différence. Ouais. Après, pas toutes les pistes, mais il y a des pistes cachées, effectivement, sur le CD quand tu le mets dans ta chaîne IFI du jeu. Je pourrais jamais dire à quel point j'aime les musiques Symphony of the Night. C'est normal. je comprends, je suis pareil. Ouais, je crois que mon assistante, elle les connaît par cœur, et pourtant. Et donc, oui, on parlait donc. Donc l'autre femme d'importance, entre guillemets, dans la composition, c'est Yoko Shimomura. Ah ben, Yoko Shimomura, c'est pareil, hein, putain. Moi, et puis elle est depuis le début. Hein. Ah mais depuis... Oui, depuis le... Enfin, je sais, par exemple, enfin, Street Fighter 2, c'est Yoko Shimomura, quand même. King of Dragons aussi. King of Dragons. Elle a opéré. Maintenant, les gens la connaissent surtout pour Kingdom Hearts, qui ont des musiques vraiment exceptionnelles. Mais elle a. Voilà, c'est des thèmes. Super Mario RPG. Toute la saga Mario RPG, Yoko Shimomura. Elle a commencé au niveau, donc elle a, au fur et à mesure, donc on la retrouve dans Street Fighter 2, donc certains thèmes de Street Fighter 2. Ouais, je sais plus lesquels. Il me semble que par exemple, le Gaiten, il me semble que c'est elle. Et le thème de Ken aussi. Ken ? Le thème de Ken, c'est... Et Blanca. Blanca, c'est sur CL. On la retrouve seule sur son premier RPG, toute seule, entre guillemets, c'est Live. Oui. Bref, ce fameux... Breath of Fire, elle était avec... Ce fameux RPG qui n'est jamais sorti en dehors du Japon, et donc qui est connu seulement par les vrais aficionados de Square. Mais elle s'en est tellement bien sortie qu'elle se retrouve après à gérer toute seule Super Mario RPG. Ouais. Ce qui est quand même pas rien. Bah, c'est plutôt que Square. Enfin, voilà, c'est l'association Square Enix-Nintendo. C'est Nintendo qui fait confiance à Square Enix pour un jeu Mario. tu te retrouves à faire les musiques tout seul, ça veut dire on te fait confiance, quoi. Bah, ça leur a plu, parce que derrière, après, ils l'ont rappelé pour Superstar Saiyan. Et voilà, c'est ce que je dis, après, elle a fait toutes les musiques de tous les Mario RPG sur console portable. Pas Paper Mario, les Paper Mario, c'était pas elle, je crois. Ouais, c'est les Mario Luigi. Mais tous les Mario Luigi, c'est elle. C'est... Et... Voilà, les Mario Luigi. Mais déjà, des Mario RPG, tu... J'ai pas fait Live, hein, je sais pas. Mais des Mario RPG, tu reconnais le style Shimomura, déjà, tiens. Avec non, des petits thèmes assez festifs, puis des thèmes assez grandiloquents. Musicalement, elle est testable. De toute façon, la pianiste, c'est une musicienne, pure jus. Ah ouais. C'est... Petite dédicace, c'est d'ailleurs, parlant de Mario RPG, à Monsieur Sapin, qui fait face de plein fouet à l'incongruité des situations. Ah ben, l'humour. Alors, Mario RPG, c'est un excellent jeu, j'adore. Faut aimer l'humour absurde, hein, par contre. C'est... Alors, ce qui est bien, c'est que, après, passer juste après Earthbound et arriver quand même à être surpris. Par Mario RPG, c'est fort. Ouais. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Et, bon. Et ensuite, oui, quelque part après, juste pour moi, donc une de mes bandes, sans doute ma bande son préférée de cette grande dame, c'est, on en a parlé avant le podcast, c'est Parasite Eve sur PS1. Jeu que j'adore, vraiment. Cinématique, le cinématique RPG. Avec des compositions effectivement de Kushimura qui sont très très bonnes. Et après donc elle a fait une composition aussi de Legend of Mana. Ah oui, le Seikenden oublié sur de la PS1. Voilà. Un de mes jeux préférés de la machine aussi. Et donc avant de se retrouver oui en charge de la saga Mario Luigi et la saga Kingdom Hearts, rien que ça. Et aussi d'officier sur Super Smash Bros Brawl. Parce qu'elle a fait aussi des musiques. En fait elle est touche à tout. Parce que si tu regardes bien, là, il faut aussi du Radiant Historia, Xenoblade Chronicles, elle y a participé, FF15. Si j'étais mauvais angle, je dirais que c'était le seul truc bien du jeu, mais vous avez rien entendu. J'ai dit qu'elle avait fait, j'avais lu un article sur elle quand elle avait participé de Mars, c'est que non, ça allait pas du tout. Mmh. J'ai pas compris, Pelle, pardon, je crois que ça a coupé, je sais pas pour vous, mais... J'ai pas de point rendu non plus. Comment ça allait pas du tout? Ouais, ça va plus. Je crois que Pelle il est décédé. C'est Pelle qui va pas du tout là. Faut qu'on appelle l'ambulance. Non, c'est bon, on t'entend Pelle, on t'entend. J'entends du bon tant pis donc c'est que. Il voulait dire qu'elle a composé sur un clavier bon tant pis. Remarque, c'est le thème. Mais pour le coup, c'est rigolo, on n'a pas beaucoup parlé aussi. Je crois que vous allez pouvoir entendre. On t'entend Pelle, mais c'est un peu haché, mais vas-y. Non, je lui disais qu'elle s'entendait très très mal avec nous. Ok. Elle s'entendait mal avec quelqu'un. Bah, je laisse tomber. Avec Uematsu, je crois, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Bah comme quoi, elle a réussi à créer son univers. Après, c'est vrai que, comme tu disais, les musiques d'FF15 sont très, très réussies. Elles sont très différentes de ce qu'on pouvait trouver dans les Final Fantasy des années 90 aussi. Ah oui, elle a compris comment marchait FF, elle a fait son univers à elle. Elle a relativement bien collé au jeu. C'est vrai que l'OST de FF15, magnifique. Purement magnifique. Puisqu'on parle de ça, parce qu'on est passé là, donc oui, dans les airs des compositeurs et des compositrices qui sont servis beaucoup du support CD. Ouais. Et donc, oui, Chou, il y a un moment, au niveau de la technique, le miracle du CD est arrivé. Oui, avec entre autres les extensions PC Engine au Japon, on a perdu Petite Pelle définitivement, je pense. Il reviendra plus fort avec sa moustache. Et ça me rend très triste. Nous, on a plus connu ça avec l'arrivée. Il est allé rejoindre Liliane, pardon. Comment ? Il est allé rejoindre Liliane. Non, pas les blagues comme ça, non. Pas sur peine. Donc on a plus connu ça, nous, l'arrivée du support CD avec le méga CD. Je pense que tu vas peut-être pouvoir me rejoindre sur le sujet. Le méga CD en Europe, bon, même s'il a eu un succès relativement confidentiel, ça n'a pas été la folie. Hein. Ouais, mais bon, enfin, c'est quand même ce qui a fait arriver un peu le support CD dans le milieu du jeu vidéo. Voilà. Quoi. Donc, au niveau de la musique, ça a apporté, c'était à la fois bien et pas bien, parce que le problème du Mega CD, c'est que on avait enfin des musiques sur support CD, donc avec un taux d'échantillonnage et des fréquences d'échantillonnage du même niveau que n'importe quel CD que vous trouviez dans le commerce. Par contre, on a aussi fait face avec le Mega CD à beaucoup de fainéantise de la part des programmeurs qui se retrouvaient la plupart du temps à aller chercher leur jeu Mega Drive et réorchestrer la bande son et remettre le même jeu avec des fois une petite cinématique ultra pixelisée, coucou Mortal Kombat, et ressortir le même jeu tel quel. Donc avant de commencer à voir, je pense que les premières bandes son vraiment marquantes sont peut-être émergées du côté des micro-ordinateurs avant vraiment des consoles. Je parle des compositions sur support CD, comme des jeux comme Little Big Adventure ou... Ouais, en même temps, c'est peut-être un peu plus du côté de la PlayStation, non ? Parce qu'avoir un support CD sur un PC à cette époque-là, c'était quand même assez chiant. Quand tu regardes bien, t'avais encore beaucoup de PC qui tournaient sous DOS. Mmh. Oui. Je pense pas que c'était le genre de périphérique qui était à la portée de tout le monde. Hein. À l'époque, non. Le boulot de Philippe Vacher sur Alone in the Dark et surtout après sur Little Big Adventure. Moi, je crois que je me souviens que c'est... Pour moi, le thème principal de Little Big Adventure, c'est vraiment, il est sorti en 1994, c'est un des premiers thèmes qui m'a marqué, où je me suis dit, waouh, là on a du CD, on a vraiment quelque chose de particulier. Hein. On est passé à autre chose, on est vraiment en train d'écouter de la musique pendant qu'on joue. Et évidemment, forcément, la PlayStation et la Saturn apporteront ça à un tout autre niveau, malgré que le fait que Nintendo s'entêtera avec sa Nintendo 64. Mais tout en arrivant quand même à très très belle musique. Oui, mais sur Nintendo 64, on était au même point que sur les anciennes consoles, juste, c'est-à-dire qu'il fallait programmer la console, vraiment, on se contentait pas juste de jouer des instruments et sur une piste sonore, quoi. Non, et surtout, il fallait compresser les morceaux. Après, il y a vraiment un cap qui a été franchi avec la PlayStation, avec des jeux surtout comme c'est tout con, mais bon, les Tony Hawk Pro Skater, où pour le coup t'avais la vraie BO. Voilà, t'avais vraiment une BO de fou, quoi. Ouais, ça, t'avais les musiques de ton CD dans le jeu, voilà, c'est littéralement. Voilà. le tout premier jeu, moi, qui m'a fait ça, c'était le premier Ridge Racer. Tu mettais le CD que tu voulais. Ensuite, sur PS1, il y a eu une autre étape extrêmement importante qui est Vibribon. Oui. Ce rhythm game totalement improbable qui permettait de mettre les CD que vous vouliez pour générer aléatoirement des niveaux. Bien évidemment, j'ai essayé de faire ça avec du black metal comme tout le monde. Non, tout le monde n'a pas fait ça. Non, moi j'ai fait ça avec du Carlos. Évidemment. Big bisous, Vibribon, je conseille à tout le monde. Mais c'est vrai que Tony Hawk's Pro Skater, on avait des vrais morceaux musicaux dans le jeu. Le 1 n'a pas énormément en fait, de choses d'un point de vue bande son et même variété de genre, mais à partir du 2, on commence vraiment à avoir une bande son de malade. Ah, il n'y a pas d'autre. T'avais le. Je crois que les thèmes des menus, c'était du Rage Against the Machine. Guerrilla Radio, c'est ça ? Guerrilla Radio. Voilà, ouais. Donc déjà, tu lances ton jeu, t'as ça, c'est tu. Ok, c'est cool. j'essaie de me souvenir ce qu'il y a d'autre aussi. Je crois qu'il y a. Ah zut, il y a Suicidal Tendencies, il y a quoi d'autre aussi ? Il n'y a pas du Offspring ? Anthrax, Public Enemy, Melancholine, Bad Religion, Lagwagon, voilà. T'as machin comme ça. Pour le coup, t'as vraiment de quoi faire, quoi. Ah oui, il y avait le titre Blood Brothers aussi de Papa Roche. Oui, tout le monde a oublié Papa Roche. Dans le 2 ? C'est pas grave. Oui. Dans le 2, il y avait ça ? Oui, oui. Et Bring the Noise d'Anthrax. Hein, oui, voilà. Ah, c'était bien, oui. Papa Roche, effectivement. Papa Roche, il était dans un MX versus ATV. Hein, oui, il y avait Evil Eye aussi de Fu Manchu. Mais oui, voilà, je me souviens maintenant. Comme quoi, ça nous a marqué parce que là, on écoutait notre CD en jouant véritablement. Mais pour le coup, c'est très bien parce que quand tu découvrais une culture comme ça, comme la culture surf, skate et compagnie, tu dis ouais, mais en fait, j'ai bien aimé cette chanson, je vais essayer de regarder, voilà, demander aux potes ou quoi s'il n'y a pas des choses dans le genre-là qui pourraient me passer les CD. J'ai découvert plein de trucs, moi, en fait, grâce à la série des Tony Hawk, quoi. En tout cas, les quatre premiers, voilà. Après, j'ai arrêté. Et il y a pas, au final, c'est devenu un petit peu la spécialité d'Electronic Arts, le fait de mettre des musiques dans les jeux. Puisque, FIFA déjà. On se souvient, voilà, donc FIFA de Sanctu. De Sanctu, de Blur, et dans Road to Final Victory. Voilà, mais c'est ce que j'allais dire. Ouais. Pour Sanctu, j'ai une anecdote trop marrante. C'est du coup, il y a un mec qui jouait à son FIFA et tout, qui devait jouer à son FIFA, et il rentre dans un magasin de jeux vidéo, et il fait, ça s'appelait Ultima à l'époque, je sais pas si c'était une franchise ou pas, mais il y avait ça à Laval, voilà, Ultima, fais des bisous, et le mec il rentre, il fait, vous savez où je peux acheter Wouhou? Et il fait de quoi? Ouais, la musique là, wouhou! Mais de quoi? Dans FIFA et tout. Ah oui, d'accord! Oui, c'est d'accord, c'est Blur, machin et tout. Le mec il a fait ça wouhou! Bah, je sais pas si à l'époque il mettait. Si, il devait avoir les crédits des chansons. Ça devait être quelque part dans les crédits, ouais. Mais dans un jeu de foot, les crédits tu les as jamais. Faut aller dans l'écran crédit en fait. Donc, personne le fait. On a comme si on veut savoir ce qu'il y a comme musique. On a un commentaire de Capsilver qui nous dit Wipeout et Crazy Taxi qui reprend les musiques à la mode à l'époque. Crazy Taxi, ouais. Crazy Taxi, absolument pas, parce que ça reprend des musiques de l'album Smash d'Offspring qui date de 94. C'était Crazy Taxi. C'est Smash. C'est X-Nay, on dit Ombre. Ah ouais? Ah, t'as peut-être raison. Crazy Taxi, c'est que du Offspring, ouais. Du coup, c'est 97. D'accord, je pensais que c'était Smash, tu vois. Et parlant de FIFA aussi, donc la version suivante, donc FIFA 98, avait comme ouverture le titre de Shumba Wumba, je sais pas, tout le monde doit s'en souvenir, I get knocked down. Ah oui, voilà, je pensais que t'allais parler de ça en fait tout à l'heure. C'était lequel celui-là? C'était un jeu de foot, mais... Parce que j'ai pas entendu ça. Celui-là c'était FIFA 98, c'était le suivant. Non, 98, c'est le Sanctu. En route pour la Coupe du Monde, c'est pas ça, non? Non, Sanctu, c'est en route pour la Coupe du Monde. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait... Oh là là. Il y avait deux épisodes, attention, ils nous ont vendu deux fois le 98. Oui, c'est vrai. Moi j'avais le retour. Je me souviens parce qu'il y avait un concours dans les Toys R Us sur le jeu en route pour la Coupe du Monde, y allais, tu pouvais jouer, tu pouvais gagner des trucs. Et je me souviens que pendant un mois, genre tous les jours, j'y allais pour jouer à ce truc-là. Puis t'avais une démo à la con. Et sur le coup, je suis en train de chercher le concurrent avait sorti à l'époque. Je sais plus dans quelle version de PES. Alors je suis en train de rechercher parce que c'est là qu'il y a un temps. L'usage immédiat, je vais y arriver. Ah oui, c'était pour PES 5 qui nous avait sorti Club Foot du groupe Casabian. D'accord. Ah ouais, c'était un peu plus. Je sais plus quel. C'était quelques PES années après, on mettait en 2005. C'était PES 5, Casabian. We are the champion, du coup, non ? Je ne me rappelle plus pour quel PES. Mais pour le coup, ça allait très très bien avec le sport. Hein. Là, moi, il y a une autre bande-son qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Oui, mon assistante, on en parlera après. Il y a une autre bande-son qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'est celle du quatrième épisode de Burnout Revenge, hein, lorsque donc c'est IA qui s'est mis à s'occuper de série Burnout. Je sais pas si vous vous en souvenez. C'est mon Burnout préféré. Non, c'est Takedown mon préféré. Moi mon préféré c'est Revenge. Mais j'ai pas fait Revenge, donc après je sais pas. Voilà. Donc c'est au niveau des titres sympas, il y a donc Life Burns d'Apocalyptica ou Beast and Harlot d'Avenged Sevenfold. Ouais. Et moi à l'époque, mais c'était juste la bande son de la mort qui c'était vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait? De toute façon, ils ont fait beaucoup ça dans Need for Speed Underground aussi. Oui. Il y avait notamment une reprise de Riders of the Storm. Faite par, je crois, c'est peut-être Snoop Dogg, il me semble, mais qui rendait, c'était excellent! C'est là que j'avais découvert cette musique, et c'est ce qui m'avait fait découvrir d'ailleurs. Merde, putain, ce trou, aidez-moi! Le groupe d'origine? Non? C'est les Doors. Les Doors, merci, je cherchais en plus, c'était un nom à la con. Les Portes. Voilà, les Portes, ouais. Et voilà. C'est grâce à IA que j'ai découvert The Doors. Wow! Ouais. Ah oui, grave! Ben voilà, en passant par une version, je crois que c'était une version de Snoop Dogg, mais je suis pas sûr. Ouais, Il y avait du Rob Zombie aussi dans Need for Speed. Effectivement, c'est Snoop Dogg, ouais. Dans Need for Speed Underground 2, effectivement. Ouais, voilà. Snoop Dogg. Comme quoi, hein, tout arrive. et on arrive après, donc pour moi, je voulais absolument en parler. Je suis désolé, je suis obligé d'en parler. Le jeu qui, pour moi, utilise le mieux les vrais morceaux qui. Des vrais morceaux de la vraie vie. Et qui en plus est un bon jeu, donc on va reparler de L'Oublié Injustement Brutal Légende de Tim Schafer. Ah bah j'allais en parler sur PS3 et 360 avec donc son héros modélisé avec Jack Black et surtout avec une bande son qui ah bah ça t'arrache ta gueule hein. Ah c'est si vous connaissez pas le Metal Extreme ça peut ça va comment dire j'ai un trivia nul pour vous. Dans quelle pub d'un jeu Atari, Jack Black fait sa première apparition? Ah, ben j'en sais Pitfall. Rien. Pitfall. En fait, le gamin qui fait la pub de Pitfall, en fait, c'est Jack Black. Ah oui, c'est marrant. Ah d'accord. Voilà, c'était un peu le petit trivia nul, je suis content de l'avoir placé pour vous. Ah bah ouais, c'est stylé, répète. Donc si vous tapez Atari Pitfall comme commercial, voilà, vous allez voir la tronche de Jack Black quand il était gamin. Et vous allez voir, c'est violent, hein, on le reconnaît mais direct. Mais le... Donc... Juste pour situer la bande-son, pour ceux qui connaissent, pour les connaître éventuellement, c'est le seul jeu qui arrive à réunir King Diamond, Black Sabbath, Manowar, du KMFDM, du Cradle of Filth, du Megadeth, du Last Priest, Sepultura, du Sepultura et parmi les morceaux cachés du Emperor et du Dimmu Borgir. Et franchement, voilà quoi. Moi, j'avais du mal à y croire. J'avais un moment, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait un jeu pour moi. La bande son, comment ça s'appelle? C'est Brutal Legend Hellfest Edition. Carrément. Et Dragon Force aussi, avec Full of Fire and Flames. Ouais, t'as aussi du Priest, t'as aussi du Judas Priest dedans, si je me souviens bien. Non, mais il y a vraiment du lourd. UFO aussi, t'as aussi du Shanker dedans. Le truc, c'est que. En plus, c'est un bon jeu, c'est pas le jeu du siècle, c'est pas le meilleur jeu qui soit, mais il y a des bonnes phases de gameplay. Les phases de stratégie sont peut-être un tout petit peu relou. Ouais, non, mais. Mais le jeu est cool. Il a tellement marché à l'époque qu'il s'est facilement rapidement retrouvé dans les bacs à 5 ou 10 euros. Oui, les gens n'ont pas tellement aimé l'univers. Donc. J'ai réussi, je crois, même à le choper une fois à 2 euros sur Steam. Pareil. Après, si t'aimes bien le métal, quand tu te tapes une bande-son où t'as Never Say Die et... Ah, c'est quoi le titre de ça? Children of the Grave, voilà, t'as quand même de quoi faire. T'écoutes ça dans ton jeu, t'es content, quoi, voilà. Mais moi, j'adorais faire des batailles au son de Air Ghost in the Fog, de Track de Cradle of Filth, que je vous conseille. Est-ce qu'il y a d'autres jeux comme ça qui vous ont marqué, vous, mais avec des bandes son vraies, avec des vrais titres de... Bah alors, justement, mais moi, ça va peut-être dériver sur un autre sujet. Alors, j'ai peut-être laissé Bosdick qui avait l'air d'avoir un truc à dire. Def Jam. Oui. Moi, c'est Jam. Bon, ah oui, avec les rappeurs. R&B, où tu joues quand même, il y a Method Man dans le jeu, où t'as sa musique, où t'as du Cannibus, t'as du Snoop, t'as Busta Rhymes, c'est tout ce que j'écoute, quoi. Moi, Def Jam m'a vraiment marqué à ce niveau-là. Et puis le jeu en lui-même est très drôle. Ça reste un jeu de catch et de MMA avec des rappeurs. C'est plus un jeu de catch mal taillé. Hein. Il n'y a pas d'art martiaux mix là-dedans. Attention, il faut se calmer quand même un petit peu. Si, t'as du mix. Hein. Ils ont tout mélangé. Un mix. Ouais, bon, ils ont tout mélangé. Voilà, c'est un peu le jeu fourre-tout, quoi. On est bien d'accord. Quoi. Oui, mais tellement jouissif. Oui, voilà. C'est pas un jeu que tu vas prendre au sérieux. Avoir Snoop Dogg en costume pimp. Si t'as envie de rigoler, tiens, histoire de digresser un petit peu. Snoop Dogg, apparemment, il fait des trucs pour l'UFC en ce moment. Oui. C'est de la merde. J'ai envie de lui mettre des baffes. Snoop Dogg, quoi. Non, mais vraiment, c'est tu dis, mais va fumer ton moins dans ton coin, mais laisse-moi tranquille, quoi. Laisse-moi regarder le programme, c'est horrible. Ah ouais, c'est Snoop Dogg, ça m'étonne pas. Voilà. Il aime ça, donc. Oh oui. Mais GTA aussi son empreinte. Oui, bah oui, bah oui. GTA, moi, ouais. GTA Vice City surtout. Avec déjà avec la première intro quand tu commences le jeu de Billie Jean, hein, Michael Jackson déjà. Ça ouais. calme quoi. Mais Vice City, c'est là. Mais genre, en fait, je crois que c'est là que j'ai découvert le hard rock, c'est avec Vice City en fait. Tu mets la radio, donc qui s'appelle. Comment elle s'appelle déjà sur Vice City? Vice Rock, je crois, je sais plus. Ouais, et t'avais des. Moi, je me souviens, j'avais lancé, et là, t'avais les Twisted Sisters qui te braillaient dans la gueule, I wanna rock, et là, t'étais là, waouh! Et c'était OP. Enfin, Vice City, pour moi, c'est clairement la musique dont je me. Snyder, ouais. J'aime beaucoup GTA Vice City. Aussi, personnellement, et c'était un super hommage aux années 80, c'était des bons choix, c'était vraiment... Mais même la bande-son de San Andreas, c'était cool. Hein. Ouais, bien sûr. Mais quand après le 3, c'était des musiques un peu, bon... On sent qu'ils avaient pas les droits, quoi. faut rester poli. Et là, t'avais ça où tu t'es dit waouh, ah putain, j'y suis là. C'est des années 80. J'étais apporté quand même un niveau supérieur puisque là, il n'y avait pas seulement les musiques du jeu, il y avait plusieurs radios différentes, chacun ouais. avec son style. Ouais. D'ailleurs, note dans GTA 4, non, c'est dans le 5, je crois. Il y a un des DJ des radios, c'est Karl Lagerfeld. Voilà. C'était V-Rock. Oui. C'est V-Rock, merci. Voilà. Et c'est bien Wanna Rock de Twisted Sisters, Come on Feed the Noise, c'est Quiet Riot. Et il y avait aussi Bark at the Moon d'Ozzy Osbourne, oui. To Minute to Midnight de Maiden. Et justement, c'est la chanson de donc les Twisted Sisters, mais ce qui m'est foutu sur le cul, c'était justement c'était mon premier morceau d'Iron Maiden que j'écoutais, quoi. C'était justement To Minute to Midnight. Et ouais. Putain, ouais, j'avais pris ma claque. Les autres radios, hein, il y avait du Michael Jackson, il y avait... Non, mais je me souvenais pas, mais ouais, en fait, il y avait aussi Peace Cells de Megadeth, ouais. Madhouse d'Anthrax, Raining Blood de Slayer. Il y avait Raining Blood. Alors, Raining Blood, j'avais du mal. À l'époque, je me souviens, je changeais de radio quand il y avait Raining Blood, c'était pas pour moi, j'étais pas prêt. Mais Bark at the Moon, c'est le fameux album d'un... Ah, comment il s'appelait, les guitaristes c'était... Randy Rhoads. Bah, c'est Randy Rhoads, voilà, Bark at the Moon. Ouais, ah ouais. C'est Randy Rhoads, ouais. Bien sûr. La Dream Team, l'époque où Ozzy Osbourne. Bon, après, attention, le dernier guitariste en date est bon aussi, mais. Ouais, même l'époque aussi, Zakk Wylde, c'est pas vilain, quoi. J'aime beaucoup Zakk Wylde. Bah, Zakk Wylde est un très bon guitariste, bien. Hein. Ouais, j'aime bien. Ouais, quand même. Mais bon, mais moi je voudrais vous dire que, bah oui, la musique dans le jeu vidéo, effectivement, c'est super important, mais c'est même devenu un genre. Et je ne peux pas passer à côté des Guitar Hero Rock Band. Mmh. Parce que, clairement, là, je les ai poncés ces jeux. J'en ai passé du temps sur ces jeux. Et le genre musical, enfin le jeu de rythme en fait, finalement. Je sais pas comment ça a vraiment commencé cette mode. Ben, celui qui est considéré comme le premier vrai rhythm game, c'est Parapaz the Rapper. Parapaz the Rapper qui, qui avait des morceaux de musique écrits pour le jeu et qui demandait d'appuyer des boutons moins au bon moment. Mais reste bien plus tard, Dreamcast. Ouais. Oui, voilà. Alors le Japon, Cap Silver, on signe, le Japon a eu droit au Beatmania, et puis Guitar Freaks et tout ça. Et le truc, c'est que toute cette mode-là est quand même assez difficilement arrivée en Europe. Je sais qu'on a eu le premier Beatmania sur PS1 avec la petite platine dégueulasse, mais on ne peut pas dire que ça avait beaucoup percé en Europe. Non, il a vraiment fallu faire un gros effort d'adaptation, non seulement du gameplay. Mais aussi du point de vue visuel, parce que bon, Guitar Freak, c'est quand même vachement austère, et surtout un gros effort d'adaptation à playlist occidentale, et c'est vraiment Activision et Harmonix qui ont réussi ça avec Guitar Hero. Ah ouais, moi j'ai Guitar Hero, j'ai poncé à partir du 3, et après je suis passé sur Rock Band le 1 et le 2, et j'ai passé des centaines d'heures là-dessus, hein. Moi, c'est très simple. On était en avril 2006. Quelques jours avant la sortie de jeu, je suis passé dans mon petit magasin de jeux vidéo habituel sur Dax. Et il m'a dit, j'ai reçu Guitar Hero, c'est un jeu qui joue avec une guitare. On était trois. Et il a dit, oh, il faut absolument que connaissez ça. On a sorti, on a essayé Guitar Hero. Deux, trois jours avant la sortie, ça devait être. Et depuis, j'ai jamais arrêté de jouer à Guitar Hero. En fait. Ah ouais, non. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est rigolo. C'est ça. Et putain, j'ai passé beaucoup trop de temps sur les jeux sur Guitar Hero, quoi. C'est un truc de ouf. Voilà. Et juste pour soit dit en passant, parce que le tout premier Guitar Hero avait déjà une bande son absolument fabuleuse. On retrouvait le I Love Rock'n'Roll de John Jett, le Smoke on the Water de Deep Purple. Du Judas Priest, parce que je crois que chaque fois qu'on parle de musique, de jeux avec des vraies musiques, on trouve toujours du Judas Priest. Je sais pas comment bah, surtout en termes de rock, ouais, bon, Judas Priest, voilà, ils sont, ils sont là. Take Me Out de Franz Ferdinand, Killer Queen de Queen, Stellar d'Incubus, et il y avait même de Spanish Castle Magic de Jimi Hendrix. T'as aussi ZZ Top dedans, je sais plus. Oui, la Grange. Ouais, t'as peut-être la Grange. Non, Charles Dressman, je crois. C'était Charles Dressman. Ouais. Les Queens of the Stone Age, Texas Flood. Essaye de finir Texas Flood. C'est du Stevie Ray Vaughan. Et le Blue, le Godzilla de Blue Oyster Cult, Crossroads de Cream et Bark at the Moon. De... Attends, il est encore là celui-là. Vraiment, la playlist du premier Guitar Hero, putain, elle est fantastique. Même si tous les morceaux sont pas originaux parce qu'ils n'avaient pas eu tous les droits. Il y en a beaucoup, c'est des reprises. Ils ont mis Unsung de Helmet dedans, oui, aussi, que personne aussi connaît. Helmet, ouais. Wow. Elle était trop bien, la playlist du premier. Violent. Et après, bon, c'est vrai qu'à partir du second Guitar Hero, là, on a commencé vraiment. Mais le second était après sorti aussi sur 360, ouais, en plus de la PS2, avec sa guitare. Sa guitare avec cette forme absolument fabuleuse, sa guitare blanche, hein, qui était très sympa. Et dans Guitar Hero 2, on retrouvait surtout tout à l'affaire. Alors, juste pour la petite anecdote, pendant Guitar Hero, le tout premier, il y avait une blague qui consistait pendant les écrans de chargement à dire des fois à tenter le joueur en disant et vous plaignez pas, on n'a pas mis Freebird. J'ai un autre trivia nul. Hier, je parlais avec le créateur du site Simpson Park et je lui ai appris quelque chose. Mmh. Dans l'épisode où Bart Simpson, il se fait offrir une guitare. Otto, il chante une chanson dans le bus. En fait, c'est une version massacrée en fait de Freebird qui a été mal traduite par les traducteurs français en fait. Mmh. Ah d'accord. Voilà, quand il dit si je m'en allais demain, est-ce que tu te souviendrais de moi? Voilà. C'est Freebird. Freebird, c'est une chanson qui dure 37 minutes, hein, pour ceux qui savent. Ouais, pour la blague, donc, ils l'ont mise en tant que tout dernier morceau de Guitar Hero 2. Et il faut. Les derniers morceaux de Guitar Hero 2, enfin voilà, quand on arrive à en trouver. Hangar 18, ouais. Hangar 18 de Megadeth, Monsieur Lou de Dick Dell, Psycho Billy Freakout de Reverend Horton Heat, Beast and Warlord Adventure. Oh, tiens, encore celle-là. Ou alors, moi, personnellement, mon préféré, Laid to Rest de Lamb of God. Alors, ils ont mis aussi le. Ah, comment il s'appelle ce putain de titre de Suicidal Tendency? J'arrive jamais à le prononcer. Institutionalized. Ouais. Il est un peu imprononçable. Il est voilà. Aussi avec ses changements de rythme de l'enfer. Ah, bizarre. Voilà. Et après, voilà, avec les deux premiers Guitar Hero, je pense que les ventes ont dû être assez confidentielles sur PS2 à l'époque. C'est dans le 2 de Guitar Hero, t'as eu Warpigs de Sabbath. Il me semble, attends. Oui, ça doit être dans le 2 parce que ça y est pas dans le 3 et sur d'après. Donc, ouais. J'ai dû faire les trois premiers, c'est pour ça que je pense. Et après, surtout, Guitar Hero, donc le Harmonix a été débauché. Et sur le coup, ils ont fait de leur côté, ils ont essayé de mener donc, le principe encore plus loin avec Rock Band. Et donc, rajouter à la guitare la basse, la batterie et le chant. Et le chant. Le chant qui existait déjà avec SingStar sur PS2, je pense que tout le monde ici a dû aussi au moins une fois un SingStar sur PS2. Ah oui, non. Pour le plus grand malheur de certains. Jamais. Personnes. C'est horrible. Jamais on chante ici, je vous dis. Ouais, c'est ça. Et alors, Rock Band, moi je me souviens perso, que ce soit entre potes ou dans des magasins ou dans des endroits où il y avait Rock Band, le plaisir de jouer comme ça, à la cool de se retrouver à 4 devant les mêmes écrans pour jouer tous ensemble. Je me souviens une fois surtout une fête de la musique à Toulouse où on s'était retrouvé dans un espèce de petit bar à manga là où ils jouaient à Rock Band et on avait pris chacun un instrument pour jouer. Enfin, c'était vraiment Rock Band. Guitar Hero, après, ils ont essayé de reprendre la formule en rajoutant dans tous les autres instruments et la voix. Ça n'a jamais fonctionné aussi bien puisque Rock Band, c'était vraiment un jeu coopératif dans lequel on pouvait sauver des personnes qui étaient mortes au combat. Ouais. Non, mais c'était là bien où Guitar Hero a mis des années à comprendre ça, que dans Guitar Hero, si tu mourais, tu mourrais, c'était fini. Et Rock Band, où il y a vraiment, avait vraiment des parties plus. Enfin, et après, Guitar Hero avait plus un gameplay, un côté arcade. Et je trouvais que Rock Band respectait plus la partition de gratte que Guitar Hero, en fait. Ouais, pour la batterie, tout, je sais pas, j'en sais rien, je peux pas dire. Pour Rock Band, j'ai pour le coup le set complet sur PS3 que j'ai acheté à la base pour foot en animation. Et finalement, je me suis un peu amusé avec. Pour ce qui est batterie, je suis pas batteur, hein, mais ça me semble pas dégueulasse quand même. Mais parce qu'en termes de gratte, Guitar Hero faisait des trucs qui étaient complètement cons. Il rendait des trucs difficiles. Des trucs qui n'y étaient pas, en fait. Ouais. En faisant des accords de merde qui veulent rien dire. Enfin, et je recommande s'en sortir mieux, en fait. C'était plus fidèle. Après, du coup, si tu voulais vraiment un plus gros challenge, peut-être que Guitar Hero, t'es là la, pour la pas, batterie, mais... La batterie, la différence principale, c'est que sur la batterie Rock Band était composée de 4 tomes. Ouais. La batterie Guitar Hero, c'était 3 tomes et 2 cymbales. Ouais. Donc c'est vrai que ça permettait de varier un petit peu plus, et surtout la batterie Guitar Hero a une particularité, on pouvait brancher 2 pédales dessus, parce que oui, ils ont sorti un Guitar Hero, un best-of de Guitar Hero, comment est-ce qu'il s'appelait Guitar Hero ? The Greatest Hits, tout simplement, où ils avaient adapté les morceaux des premiers Guitar Hero à l'ensemble guitare, basse, batterie, chant. Oula. Et si vous aviez donc la batterie Guitar Hero, celle du 5, pas celle du 4, parce qu'elle est nulle, elle ne tient pas le choc, plus les 2 pédales, vous pouviez jouer Raining Blood de Slayer si vous aviez le courage. Ou plutôt voir le truc des figures en disant « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Ou alors, pire Beyond, la piste de base du titre que tu n'as pas réussi à prononcer de Suicidal Tendency. Si. Ouais. Mais je pense que le truc, il y a eu un gros boom donc, dans toutes ces années-là pour Rock Band, Guitar Hero. C'était vraiment extrêmement. Enfin, je fais partie des gens qui ont totalement foncé là-dedans. J'adore aussi ces jeux, j'y jouais énormément. En plus, voilà, nous on faisait partie des gens qui chantaient, vu que comme par hasard, personne ne veut jamais chanter. Donc... Je ne sais pas trop pourquoi. Rock Band 2 m'a traumatisé. Il y avait un trophée que j'ai fait. C'était jouer l'intégralité de la playlist, 82 morceaux. Sans faire de pause, sans rater, sans... Enfin, tu jouais 6 heures non-stop, tu sais. Avec une guitare sans fil, donc qui fonctionnait avec des piles. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé pour que ça me traumatise. j'étais pas bien, j'étais tellement pas bien que je l'ai refait dans la foulée. Et je l'ai réussi. Et en plus, j'avais voulu le faire en expert parce que je suis con. Et voilà. Mais ouais, il y avait. Et si on parle des jeux musicaux qui nous ont traumatisés, moi je vais vous en citer un. Hein. SingStar Johnny Hallyday. Hein. Putain, et à partir de là, hein, mourez. C'était pas le même traumatisme là. Non, pas du tout. Ils n'avaient pas sorti un SingStar ABBA aussi ? Oui. Si. Ah oui, il y a Just Dance aussi. SingStar ABBA. Ah, SingStar ABBA, c'était moi, j'aimais. Alors ça, SingStar ABBA. Je pour préfère faire la blague, Johnny Hallyday quand même. Pour faire la blague, ABBA, les meilleurs morceaux. Quel public génial. Ils ont... C'est dans quel film c'est... Ils ont tué Family House, ça y est, ils ont mangé les ABBA. Ouais, alors non, le groupe ABBA. Ah. Désolé. Voilà, désolé. Alors, on a tué le boss Dick qui a coupé son micro. Voilà, c'est propre. Je m'excuse. Désolé. Ah, c'est toi qui arrive. C'est toi qui l'a coupé. Bah non, c'est pas bien. Ah non, non, non. Ah, c'est lui, c'est moi qui me suis coupé c'est tout seul. Oui, il est cassé, non, on a cassé Bozic, c'est pas. Pardon. Ah, ça va. Donc, bon, là, oui, j'ai l'assistante qui est en train de me faire tous des signes de l'univers en me disant « Putain, mais il reste plus un quart d'heure et t'as même pas parlé de ce que je te fais signe depuis tout à l'heure. » Donc, mais je t'en prie, Bien prononcer son nom, on n'a pas parlé de quelqu'un. Vous avez oublié les 19 notes de Totaka. Ouais, bon, ça, c'est parce qu'on n'a pas le jeu, en fait. On n'a pas parlé de Koizumi Totaka. Ouais. Alors, oui, c'est vrai que... Ouais, bah, non, je vais laisser les gens parler de ça, parce que... Vas-y, parle de Totaka. Alors, non. Qui est-il, entre autres? Qu'est-ce qu'il Non, mais justement, parce que moi, je vais dire des conneries. Non. Alors, vas-y, Pupi. Pupi, raconte-nous une histoire. Non, c'est pas moi qui raconte l'histoire ce soir. Totakeke. Donc, Totaka, quand même, il a écrit 19 notes, une mélodie de 19 notes, qui sont dans plein de jeux, dont, pour les gens, en fait, au départ, c'est... Koizumi Totaka, c'est un compositeur qui a officié dans énormément de jeux Nintendo. Il a créé une suite de 19 notes caractéristiques qui s'est amusé à planquer, la légende dit, dans tous les jeux auxquels il a participé. Et c'est même pas la légende, parce que c'est vrai, en fait. Parce mais qu'il y en a, on n'a pas trouvé, mais il y en a, on les a trouvés. Oui, et il y en a, il faut faire des trucs spéciaux. La première fois, c'était dans Mario Paint, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui appellent cette mélodie la mélodie de Mario Paint. Voilà. On la trouve aussi dans le Zelda Game Boy, qu'on est dans la maison de Richard, si je me souviens bien. Ouais, où il y a les feuilles à régler. Et elle apparaît dans quasiment tous les Animal Crossing, dans Luigi's Mansion, Mario Land 2, Pikmin 2, Yoshi's Story, Mario Kart. Mais je crois que le pire endroit où... Parce qu'il fallait aller le chercher là-dedans, parce qu'après forcément ça a été repris dans plein d'autres jeux en tant qu'hommage, c'est dans Wii Sport. Il faut écouter le bruit que font les raquettes, et si on les met bout à bout, ça fait cette musique. Oui. Sérieux ? Oui, c'est le bruit des raquettes. C'est classe. Non, mais c'est presque un des gimmicks, enfin, je sais pas comment dire, c'est un gimmick Nintendo, quoi. Enfin, des gimmicks des trash shock, désolé. C'est Totaka, quoi. Il est même dans le Wario Land Virtual Boy, on entend même cette mélodie-là. Dans Luigi's Mansion, par exemple, il faut rester sur l'écran d'options pendant plusieurs minutes. Ouais. Et au bout d'un moment, hop, il y a la musique. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et on... Alors... Ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, on continue à chercher la mélodie de Totaka dans certains jeux. Il y a des jeux comme Wave Race 64, Mario Land 3 ou Super Smash Bros. Brawl, où on ne l'a jamais trouvé. Mais par contre, vu qu'il a participé, les gens sont persuadés que c'est quelque part. Il faudrait absolument qu'ils disent, avant de décéder quand même, au moins qu'ils disent « Ouais, je les ai mis dans ces jeux-là. » Je vois bien finir un peu à la Gold Roger. Ouais, j'ai caché ma musique quelque part. C'est ça. Il y avait un jeu comme ça qui était sorti sur Spectrum, qui était une espèce de genre une chasse au trésor géante. Et c'était prévu pour sortir en deux jeux. Et en fait, ça a tellement fait un flop, tellement les indices étaient merdiques et personne ne comprenait rien au jeu, que le développeur a dit de la merde, je sors jamais en fait le tome 2. Du coup, vous ne saurez jamais où le truc est planqué. Je me souviens plus le nom du jeu, mais c'était très drôle. J'essaierai de vous le retrouver un jour pour en parler, c'est un truc de fou. Et donc la légende dit que le personnage de Keke la glisse, alias Totakeke dans Animal Crossing, serait sa représentation. C'est une certitude, c'est parce oui. que Ah oui, c'est totalement lui, hein, et c'est oui. assumé. C'est Totakeke, assumé. Au Japon, c'est le nom du personnage, et en fait, c'est parce qu'en japonais, mais ça c'est Bosdick qui va mieux le dire que moi, en fait, quand tu prononces ça, ça fait la même prononciation que si tu dis son nom de famille. C'est ça. Ça. Voilà, j'ai peut-être mal exprimé la chose, mais c'est ça. Le personnage qui avait des gros sourcils. Ouais. Ils sont terribles, ces persos. Ah, c'est bon ? Non, c'est bon, mais là c'est bon, on a parlé, ça va. Merci. J'aime mieux dormir, merci. Merci à la prochaine. Et enfin, je voulais vite fait parler à la fin, donc comme j'ai intitulé la polémique, la question que j'ai envie de poser à tous, je sens qu'on va me sauter dessus au coupure et va me dire oh, est-ce que ça a du sens, en fait, d'écouter des bandes son de jeu en dehors de jouer avec? Ça dépend du jeu, en fait. Il y a des musiques qui sont faites spécifiquement pour le jeu. C'est difficile de les écouter ailleurs que dans le jeu. Je citerai Metroid Prime Premier Union, qui est une des bandes son de jeux vidéo qui m'a le plus marqué. Mais de par le... Je sais pas comment dire, la symbiose qu'il y avait entre le jeu et la musique. Mais par contre, à part le thème principal, j'écouterai aucune musique de Metroid Prime en dehors parce du jeu. Parce que c'est de la musique d'ambiance pour le jeu. Voilà, mais à part le thème principal, hein, le thème de l'écran titre, là c'est un truc fabuleux. Ouais. Hein. Écoutez-le n'importe où, y a pas de problème. Mais vraiment là, je perçois pas l'intérêt d'écouter la musique ailleurs que dans le jeu. Par contre, par exemple, j'ai acheté l'OST d'Undertale, et je l'écoute au milieu de d'autres morceaux de je sais pas des oui, non, mais de Megadeth ou de je sais pas quoi de Nier, quoi de Nier Automata qui... On prend les musiques de Nier et Nier Automata, t'as pas besoin de jouer au jeu pour éprouver quelque chose en les écoutant, les musiques se suffisent à elles-mêmes. Moi j'ai tendance à acheter des éditions limitées où il y a des OST, mais j'écoute jamais en fait de d'OST en dehors de lorsque je joue. Moi j'en ai quelques-unes. Là j'ai écouté celle moi, j'en de... écoute régulièrement. Ouais. Juste moi, pour le plaisir, parce que j'ai réussi à en avoir une, j'ai écouté le CD de l'édition de la Muerte de Metroid Samus Returns. Mm-hmm. C'était sympa, mais je fais ouais, bon, voilà, j'écoute bien. Yeah, mais je pense comme tous les Metroid hein, d'ailleurs. Oui, c'est plus des musiques d'ambiance qui se ouais, voilà, ouais. Qui sont propres au jeu. À part quelques petits morceaux où tu vas dire ouais, quand même, pourquoi pas les écouter en dehors, mais vraiment. Quand c'est trop lié au jeu, je perçois pas l'intérêt, moi. Oui, mais en même temps, si c'est pas lié au jeu, c'est pas forcément réussi. Bien sûr, si. Bah si. Et justement, c'est ça la force, d'être capable de s'adapter au jeu et d'apporter quelque chose en plus au jeu. Oh, tu me prends par exemple, ouais. Et être capable de l'écouter ailleurs, parce que musicalement, ça tient tellement la route et c'est tellement beau que t'as plus besoin du jeu pour apprécier. Mais, ouais, non, c'est justement... Pour Metroid Prime, pour moi, c'est tellement intégré au jeu que, voilà, c'est un tout. Ça va avec le gameplay et tout. Mais voilà, c'est peut-être que mon avis. Hein. Mais il y a aussi des musiques. Par exemple, j'ai acheté beaucoup d'OST des Final Fantasy. Et bien sûr. Autant il y a certaines musiques... Enfin, ouais, je vais les écouter n'importe où, n'importe quand. Mais il y a des morceaux, si je suis pas dans le jeu, je m'en fous complètement. Mais après... Final Fantasy, c'est encore différent parce qu'ils te font des orchestrations qui diffèrent du jeu, comme les pianos collections. Ah ouais, non, moi, je parle pas des pianos collections, je parle vraiment des OST. Voilà, quoi, ouais. Ça reste la musique du jeu. Moi, je parle vraiment des OST du jeu, moi. Après, c'est vrai que Final Fantasy a aussi tenté un truc dans les années 90 avec la PS1, c'est la composition de titres dans le but de les sortir un petit peu façon top 50, comme si c'était... des singles qu'on essayait de vendre, que ce soit le thème Eyes on Me pour FF8 ou Melodies of Life pour Final Fantasy IX. Ouais. Tsuteki Dane pour FF10. Mm-hmm. Des titres donc chantés qui apparaissent donc pour la fin du jeu. Hein, Bah dans le 12 aussi, il y en a un d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est Angela qui chante d'ailleurs. Et le truc, c'est... C'est ça. Je sais pas. Enfin, je sais pas si ça a vraiment, en termes de vente de singles, si ça a vraiment représenté beaucoup. Ou... Honnêtement, parce que je suis en train de me dire, regarder avec l'Oricon au Japon. Chez nous, non, mais l'Oricon. Oui, parce que je suis en train de me dire, ils ont fait la même aussi pour le 13, pour le 14, le 15, je sais pas. Le 13, c'est encore différent parce qu'ils ont tapé Leona Lewis, quoi. Ils sont allés dans le côté américain là. Ouais, ils ont tenté un truc. Pour aller dans le chart top 50, mais ça n'a pas marché. Mais je pense que pour qu'ils refassent à chaque fois, c'est qu'en tout cas au Japon, ça avait bien marché. Pour 13, ils avaient tenté effectivement, comme tu dis, d'occidentaliser le truc, mais ça n'a pas marché. Mais pour le 14, ils sont parti sur aussi une voix chantée Florence and the Machine pour FF15. Ouais, mais par contre pour le 13 je veux dire, c'était pas Lewis pour la version japonaise hein. c'était une chanteuse de chez eux hein. Ah oui c'est vrai, bah comme Tsuteki Dane je crois, où il y avait une version japonaise. Tsuteki Dane, il me semble que c'est Rika. En parlant de musique chantée, on a eu le retour d'un personnage très longtemps oublié. Je ne sais pas si vous avez entendu parler qu'apparemment une compagnie de nouilles a fait revivre Segata Sanshiro. Oui, on a entendu ça. J'ai vu. Voilà, ouais. C'est assez drôle. Retour Segata Sanshiro. Et moi, toi, tu parlais la Moa tout à l'heure d'écouter les musiques des Metroid. Prime encore aussi, elles sont bien. Mais même les Super Metroid, ça te gêne aussi. Super Metroid, là j'ai la fameuse, j'allais dire la valse, mais enfin vous voyez de quoi je parle, la musique en trois temps, là, oui. Que elle je pourrais l'écouter n'importe où, n'importe quand je pense. Merde, c'est quelle zone C'est pas Brainstar Norfer. Je crois que c'est Norfer, hein, la musique en trois temps. Norfer. Ouais, je crois que c'est Norfer. Mais mais est-ce que... Moi j'écoute assez souvent quand c'est musique. Il y a un compositeur dont je voulais parler tout à l'heure. J'ai pas... Bah moi aussi je voulais parler quand même justement, tu sais, qu'on parle de musique un petit peu rétro et tout ça, tu sais, parce que ça va aussi avec le rétro gaming, aussi avec le genre de pixel art. Il y a quand même des musiques actuelles qui reprennent aussi les chiptunes sonores d'autrefois, un peu comme ce que faisait Jack Kaufman hein, en ce moment avec Shovel Knight et tout ça, qui a des compositeurs. Elles sont superbes ces musiques là quoi, franchement. Mais ce qu'il avait fait avec les remixes du DuckTales aussi, qui est un chef-d'œuvre total quoi. Regardez juste pour donner un exemple un peu de est-ce que ça vaut le coup d'écouter une OST maintenant, surtout une OST d'il y a 20 ou 30 ans. Regardez le nombre de gens qui ont repris ces musiques sur YouTube, des fois dans des genres totalement différents. Tu prends des musiques de Mega Man 2, tu vas retrouver des remixes rap. Ah oui. Voilà. Et pour donner un exemple, j'ai encore la partition, donc si quelqu'un me la demande, je pourrais la donner avec grand plaisir. J'avais fait une reprise à la guitare acoustique du thème de Mega Man 2, Dr. Willy Stage 2, fait en accordage alternatif, fait pour jouer normalement de la musique traditionnelle irlandaise. Voilà. Pour donner un peu le genre de conneries que tu peux t'amuser à faire, voilà, dès l'instant où tu as un peu de temps et d'imagination. Non, j'aurais voulu, moi, mettre une mention sur David Wise. Ah, Donkey Kong. Qui a fait les musiques de Donkey Kong Country, entre autres. Et ouais, évidemment. Qui sont vraiment, mais vraiment vachement bien. Et on reparlait de Jake Kaufman qui apprenait des musiques d'avant et tout. Bah lui, il a fait pareil dans les deux Tropical Freeze et autres. Et il y a des arrangements, c'est vraiment une grosse claque, quoi. Et lui, il fait partie de ces compositeurs qui m'ont marqué étant enfant, en fait. Et dont le thème des zones aquatiques du premier Donkey Kong Country. C'est ça. Je pense qu'elles ont marqué tout le monde, en fait. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et la première fois que j'ai entendu le truc, je me souviens, c'est un des rares jeux où j'ai posé la manette... Et où j'ai dit, j'écoute la musique. Juste pour vous donner une idée, David Wise, les premiers jeux parmi lesquels il a composé, on parle des Wizards and Warriors sur NES, RC Pro-Am, Marble Madness, California Games, California Games. Bon, il n'a pas fait, voilà. Ou Snake Rattle and Roll. Mais c'est lui qui a fait ça avant. Ouais, le footbag. Qui a vraiment fait ses premières armes sur la NES. Avant de donner donc les Donkey Kong Country. Il y a des voilà il y a plein d'OST et tout vraiment. Pour citer un autre titre que j'aime beaucoup de lui au niveau de l'OST, le Star Fox Adventures de la GameCube. Oui effectivement c'est lui Et les musiques sont très très bien. Le jeu en lui-même moi je l'aime beaucoup. Mais les musiques sont effectivement très très. Il y a David Wise c'est vraiment un mec que j'ai vraiment beaucoup parce qu'on avait cité beaucoup de compositeurs là japonais et surtout d'ailleurs des femmes, donc je voulais un monsieur américain aussi pourquoi pas, et en compositeur français on avait aussi cité Alone in the Dark et c'est ça, Philippe Vacher. Philippe Vacher, merci. Pour en citer juste un autre américain rapidement, Tony Tallarico. Ah, oui, voilà. Évidemment, Earthworm Jim. Écoutez Earthworm Jim, écoutez Terminator sur Mega CD. Mm-hmm. Et qui actuellement fait des concerts. Alors, le Terminator Mega CD, je l'ai écouté. C'était fou. Là-dessus. On peut mettre aussi une pièce sur Chris Hulsbeck. Oh là là. Qu'il ne faut pas oublier. Oui, c'est vrai, le Européen. Eh oui. Et pour les amateurs de musique de Turrican. Pour les amateurs de RPG occidentaux, Jérémy Saoul aussi. Pareil. Je crois qu'un de ses premières OST c'était Secret of Evermore, si je dis pas de bêtises. Mais après, si vous avez entendu le Morrowind, l'Elder Scrolls, quoi, c'est lui. Avec le fameux thème de Skyrim que j'ai pas compris pourquoi. à la sortie de Skyrim, tout le monde trouvait que ce thème était trop bien, alors que c'est le même depuis, je pense, au moins Morrowind, mais je crois que c'est aussi le même thème principal depuis Arena, le tout premier, en fait. Mais... pas grave, les mystères de... les mystères du merchandising. Mais ouais, sur le coup, on arrive à 23h. Ah, ah là là, mon dieu. Ah oh là là, Bozik n'aura pas le temps de nous présenter son jeu de merde. De son. C'était pas moi, mais si vous voulez, dans 15 jours, hein, j'en ai sous le coude encore. Pas non. Vous inquiétez pour ça, les enfants. Non, je disais ça pour Tom Tegrassimon. Mais voilà. Non, mais juste avant qu'on finisse, hein, pour faire plaisir à Cap, s'il le veut, juste parler de Michiko Naruke, la compositrice des Wild Arms. Ah, que les gens ont tendance à oublier, mais qui est fabuleuse. Et ceux qui ont joué Wild Arms. J'ai eu peur, je pensais que t'allais chanter. C'est pour ça. Ah. Quelqu'un qui est extrêmement. Non, alors, il aurait pas fallu chanter, alors il fallait que je siffle, et je sais pas faire. Quelqu'un qui s'est très très beaucoup inspiré évidemment d'Ennio Morricone. Hein. Ah bah exactement. Oui. C'est un gros hommage à Ennio Morricone. Totalement. Mais c'est très réussi, vraiment. Ouais. Et donc puis... on lui rend un petit hommage que parce que la majorité des gens effectivement n'y pensent pas. Et moi je voudrais faire un hommage à Boss Dick. Mince, j'ai peur. Et c'est parler vrai. Donc de Motoi Sakuraba. Fais ce clavier. Donc Motoi Sakuraba, il y a débat. Mais honnêtement, sur des OST comme, je sais pas, Star Ocean 3, sur Golden Sun, c'était vachement bien quand même. Hein. Valkyrie Profile aussi, évidemment. Voilà. C'était vachement bien. Non, mais je l'aime, Fes Clavier. Hein. Je l'aime beaucoup. Hein. Baten Kaitos aussi, très bonne OST. Il a juste tendance à se répéter. Mais c'est vrai que maintenant, dans ses productions actuelles, bon, ok. Mais on l'aime et on lui fait des bisous. Alors, mais pas sur ses bon. Fesses. Mais ouais, la musique dans le jeu vidéo, peut-être pas insister sur ce point, mais c'est vraiment. Voilà, il y a des jeux. Enfin, c'est indissociable, quoi. C'est une partie, c'est presque aussi important qu'une direction artistique ou qu'un. Qui me permet de rebondir parce qu'on en a pas parlé sur Danny Baranowski. Les musiques de NecroDancer, Super Meat Boy, Isaac. Ouais, Isaac, premier du le nom. Premier Isaac. Le quoi. Premier, ouais. Premier, mais bon. Parce qu'après, avec mais surtout NecroDancer, quoi. Justement, dans un NecroDancer qui fait le lien entre les Rhythm Games, les jeux donc modernes, comment on appelle ça, les roguelike. Les roguelike. Et enfin, ouais. Vraiment, voilà, qui. Ouais, c'est vrai. Qui fait lien tout ça avec des musiques qui sont devenues cultes, mais tout de suite. Hein. Ah oui. Complètement. Et en fait, d'ailleurs, ce qui est vraiment en plus exceptionnel sur ce jeu. C'est que donc déjà, quand le jeu est sorti, il a fait signer deux remixes à deux de ses potes qui sont Arrival et Family Jewels. Et en fait, le jeu, bon, il marche très bien, ils ont sorti un DLC et tout. Mais du coup, ils l'ont sorti sur iPad, ils l'ont sorti sur PlayStation 4, etc. Et à chaque fois qu'il sort sur une nouvelle console, eh ben, il a une OST, enfin l'OST remixée par une personne. Et je crois que par exemple, sur PS4, sauf erreur, c'est Shibzel. Et voilà, en fait, il y a plein de gens qui, du coup, ont fait des remixes des musiques du jeu. Je crois qu'on doit être à 6-7 personnes différentes qui ont fait des remixes. D'accord. Donc c'est vraiment stylé. L'OST de Beat Boy, c'est une tuerie. Hein. Mm. Ouais. Après, pour Crypt of the NecroDancer, ce qui est dommage, c'est que comme tu peux mettre tes propres musiques dessus, les musiques sont vite éclipsées. Ouais, mais je sais pas s'il y a tant de monde que ça qui joue avec ses propres musiques, parce qu'au final, ça marche quand même, j'avais testé, ça marche quand même beaucoup moins bien. Et puis, si tu veux entendre le marchand qui chante dans NecroDancer, oui, le non, marchand je suis qui fait des vocalises, t'es obligé de laisser les musiques. Musiques. Mais c'est vrai que comme tu peux changer de musique et que tu peux jouer sur du Frankie Vincent... Et... Non mais ça, Bozik, ça, tu es le seul, hein. Tu le sais ça quand même. Je refuse de croire ça. Je ne peux pas vivre dans un monde c'est impossible. Où les gens ne jouent pas à Frankie Vincent avec sur un micro danseur. Ça n'est pas possible, je ne peux pas le concevoir. Absolument pas. Mais Ouais. Du coup aussi pour remplir le quota, je voudrais parler bien entendu de la bande son de Megaman X, hein, puisque il faut en parler. Voilà. Mince. T'en as déjà parlé tout à l'heure. Non, j'en ai pas parlé tout à l'heure. On a forcément pas le temps, voilà, de tout parler, comme disait. Ah non, mais bien sûr. Oui, les choses marquantes dans les jeux, j'avais cité notamment, je voulais parler quand même de Still Alive de Portal. Oui, bien sûr. Je sais pas, on sait pas ce qui s'est passé. Je crois que personne connaît la musique de Portal, mais tout le monde connaît la chanson Still Alive. qui est vraiment l'exception qui confirme la règle, c'est improbable. Voilà. Et aussi, pour ne pas les oublier... Et qui se retrouve même sur le coup dans Rock Band. Dans Rock Band, premier jour, ouais. C'est vrai. Oui, c'était un téléchargement gratuit pour le premier Rock Band, donc vous pouvez chanter Still Alive dans Rock Band. Et juste pour dire aussi, j'aime Akira Yamaoka, parce que c'est lié, mais ne pas en parler. Le papa des musiques de Silent Hill, entre autres, qui a un univers musical tellement particulier que si tu ne joues pas au jeu, c'est difficile. Bon, à part peut-être le thème de Silent Hill 2 qui s'écoute relativement correctement, voilà, relativement facilement. Bah, un petit hommage à Monsieur Yamaoka. Puis là... Bon, sur le coup, il va falloir conclure tout de même, parce que, là, ouais, parce que sinon on va y passer la nuit. Oui. En même temps, il y a tellement de choses à dire. On pourrait, hein, parce que je pourrais aussi parler des jeux où... On pourrait parler des jeux où il n'y a que les musiques qui sont bien. Hein. Enfin, voilà, il y a... c'était un vaste sujet, c'était ambitieux, je trouve. Mais, On a essayé de faire un spectre. On reparlera peut-être de musique dans le jeu vidéo. Oui. Peut-être pas sur des émissions complètes, mais... On aura l'occasion de revenir, oui, sur la musique dans les jeux vidéo, même, voire même sur les rhythm games de manière un peu plus précise. Oui, bien sûr. Ne vous en faites pas. Donc, on va conclure en disant que nous espérons que ce podcast vous a plu. On va vous dire à bientôt pour de nouvelles folles aventures. Je voudrais préciser un truc que j'avais précisé sur mes streams, mais pas dans le cadre du podcast. Donc c'est Monsieur Chou qui a mis ça en place. Vous pouvez maintenant écouter le podcast. Parler, ouais. Ouais, à la limite, oui, tu peux même en parler toi mieux que moi, sans doute. Ça marche. Alors du coup, il y a toujours la façon classique d'écouter les VOD, à savoir par Twitch ou YouTube. Mais du coup, dans la description de la vidéo YouTube, il y a un petit lien vers un tuto qui se passe sur le site du Guide du Collectionneur. En gros, vous avez un téléphone Android, vous prenez une app totalement gratuite qui s'appelle Podcast Addict. Vous copiez le lien qui est sur le site, vous copiez ça dans l'application et vous pouvez télécharger ou carrément écouter directement les applications sur votre téléphone. Alors si jamais vous voulez réécouter les VOD dans votre voiture en allant au travail ou même tout simplement au travail, attention, dites-le sans parler à votre patron. Aux toilettes. Voilà, sous la supervision d'un adulte, comme je dis souvent. Pour citer Krusty le clown. Donc voilà, si vous voulez faire ça, c'est totalement possible. Ça vous coûte absolument rien. Et voilà. Si jamais vous voulez, c'est une option. Ouais. Si vous avez envie de vous taper aussi la vidéo d'annonce de ce truc, allez voir sur YouTube. Vous verrez. Et également, je complète avec le fait que le guide du collectionneur a également un Discord si vous souhaitez. Exact. Discuter avec nous par écrit ou en vocal. Chanter. Rager pendant que vous jouez. Chanter. Surtout et chanter. rager quand vous jouez comme Pelle. Oh, c'est pas Pelle qui râle quand il joue. Hein. Je vois pas de quoi. Non. Pelle, on l'entend pas râler. De toute façon, sa connexion, elle plante. N'hésitez pas à nous demander le lien pour Discord. Vous nous demandez ça sur Twitter. Voilà. Vous en faites pas. Donc, sur ce. Écoutez l'OST de To The Moon. Pas des autres. On vous fait tous des bisous. Des bisous. Et ben, très bien. Écoutez Carlos. Et puis. Des bisous. Rosalie. Rosalie. Je pense que c'est le moment de couper la voix. Ouais, voilà. Bonne nuit, je vais les ranger. Hein. Je vais... Voilà. Oh mon dieu, pas fatigué. Le Konami Code avec Rosalie. Rosalie bas, Rosalie gauche. D'accord. Ah, c'est là, ça marche. Je savais que Beyond. Mais vous avez. Les gens du podcast. Bon, attendez, je m'en mets. Les gens du podcast, là, vous l'avez tous vu le sourire de Beyond hein, avant qu'il la sorte sa connerie. Non. Si, ah si, mais si. Mais si. Mais le chat, lui, il l'a vu le sourire de Beyond. Qui avait sa connerie, là, qui voulait sortir. C'est pour ça que j'avais pas coupé. Voilà. Donc, maintenant, je coupe. Voilà, des bisous. Arrêtez les conneries. Bisous.